C'est une première ce soir. Nous revenons du futur juste après l'émission pour vous la rediffuser. Si. Cherchez pas. Bref, à condition exceptionnelle, solution exceptionnelle, Ludo n'était disponible qu'à partir de 22h ce soir. Nous l'avons donc enregistré hier pour qu'il fasse l'émission. Mais vous pourrez lui poser des questions sur son dossier d'hier aujourd'hui, car il sera là après l'émission à 22h. Tout va bien ? Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le 29 mars 2016. Enfin, en fait, on sera bientôt le 28, mais après on reviendra le 29 pour les questions. Et Monsieur Génial nous parle de plastique dans une émission organisée par moi, ça se devine. Alors, un tour de table très rapide, puisque nous sommes très peu nombreux ce soir. Il y a à Paris, mais qui va bientôt nous quitter, Nico. Salut. Salut. J'espère que tu vas quand même pouvoir rester un petit peu, puis peut-être même revenir pour les questions. Non, c'est pas possible. Je pense que je vais revenir vers la fin, mais très bien, pour le direct. Nous avons Pascal qui ne parle pas, mais qui fait tout ce soir. Et qui est fantastique, parce qu'il a tout fait hier aussi. Fantastique, il a tout fait hier. Mais je ne parle pas, quand même dimanche jour. Mais voilà, il est formidable. Nous n'avons pour l'instant pas Ludo, mais nous l'aurons bientôt et nous l'avons en version hier. Et il n'a pas beaucoup changé normalement. Il ne peut pas dire bonsoir, il n'est pas encore là. Et puis il y a moi, Robin, à Paris, avec mon petit bruit parasite qui n'est pas encore couché. Je propose de partir tout de suite pour cette émission, une émission sur le plastique. Et je peux vous dire qu'elle est passionnante puisque je l'ai déjà entendue. Eh ben écoute, Ludo, c'est quand tu veux et je vais faire toutes les interventions de tout le monde, je vais prendre la place de tout le monde. Je vais mettre dans la psychologie de chacun des intervenants habituels de Podcast Science pour essayer de poser toutes les questions qu'ils auraient posées s'ils avaient été là. Eh ben écoute, c'est parfait comme ça. Ah ben, je compte sur toi d'ailleurs pour me dire quand tu comprends pas et puis avoir plein d'idées pour les quelques questions que je vais te poser. Très bien. Donc, tu poses des questions en plus. Ouais, ça va être bon ça. Okay. Ah ben oui, comme ça, ce sera interactif. Tu vois, ouais, ça va être hyper interactif. Et puis en plus, comme ça, tu seras obligé d'écouter, parce que la dernière fois, tu n'avais rien écouté. Donc, je te connais à force. Ok. Donc du coup, comme il l'avait été prévu, moi, je vais parler un petit peu des plastiques, de la chimie des plastiques. Le domaine des plastiques, c'est un domaine qui est assez vaste, donc on ne va pas discuter de tout, mais je vais quand même essayer de donner quelques grandes idées. Et j'avais envie de commencer déjà par la chimie, parce que de donner une définition de la chimie et de voir que le plastique s'intègre parfaitement dans cette définition. Donc première chose, qu'est-ce que la chimie et qu'est-ce que fait un chimiste? En réalité, un chimiste va avoir trois activités. La première de ses activités, c'est déjà d'essayer de savoir de quoi est constituée la matière qui l'entoure. Sa deuxième activité, ça va être ensuite de transformer la matière, et le but de savoir de quoi est constituée la matière pour pouvoir la transformer, c'est d'obtenir des matières utiles dans le quotidien. Si on prend cette introduction, le plastique rentre parfaitement dans cette définition-là, puisque pour fabriquer du plastique, l'une des matières premières les plus utilisées, c'est le pétrole. Le chimiste a besoin de savoir de quoi est constitué le pétrole pour pouvoir ensuite le transformer afin d'obtenir une matière qu'il ne trouve pas dans la nature, qui est le plastique. Et puis si on prend cette définition, la chimie remonte à... On peut la remonter à 2500 ans avant Jésus-Christ, par exemple, avec le bronze, qui est un alliage de cuivre et d'étain. On a commencé à mélanger du cuivre et de l'étain pour obtenir une nouvelle matière qui n'est pas dans la nature et qui va avoir des propriétés intéressantes pour nous. Reste à savoir si on comprenait ce que c'était que ces matières-là, parce que tu dis c'est aussi décrire la matière. Là, il y a transformer sans forcément savoir trop ce qu'on fait, quoi. Tu as parfaitement raison. C'est vrai qu'au début, il y avait quelques théories sur la matière. Alors, il faut remonter un petit peu dans le temps, et on passe de 2500 à 300 avant Jésus-Christ, où on prend Aristote dans l'Antiquité grecque, qui propose la matière comme constituée d'eau, de terre, de feu, et j'oublie toujours le dernier, d'eau, de terre, de feu et d'air, merci. On est encore loin des éléments comme aujourd'hui. Et le vrai début de la chimie est daté aux années 1700 avec Robert Boyle et Lavoisier. Mais bon, voilà, c'était juste pour dire que en chimie, on cherche à savoir de quoi est constituée la matière pour pouvoir la transformer afin d'obtenir des objets utiles dans le quotidien. Et le plastique, c'est un objet utile du quotidien qui n'existe pas dans la nature et qu'on fabrique à partir du pétrole. Et puisque tu avais l'air d'avoir envie de parler, Robin, je te propose de faire ensemble un petit tour de la matière plastique. Parce que Le plastique est vraiment partout, hein, on en trouve partout. Et j'aurais bien aimé qu'on liste quelques objets en plastique du quotidien. Là, comme ça, si tu devais me donner un objet en plastique, tu parlerais de quoi ? Il y en a plein. Alors, les sacs plastiques, forcément. C'est dans le titre, c'est dans le mot, c'est ça qui est bien. Tous les couverts en plastique, parce que c'est aussi dans le mot. Mais après, on peut quand même y aller sur des trucs un peu moins attendus. J'imagine qu'il y a, il y en a plein. Je sais pas. J'en sais rien d'ailleurs. Tu vas peut-être me dire si c'est une connerie ou pas, mais on dit récemment, enfin, on dit que les bagnoles récentes sont plus en métal, mais en des trucs qui ressembleraient plus à du plastique. Mais alors, je sais pas si c'est une connerie. Il y a beaucoup de matières dans les voitures qui ont été de matières métalliques qui ont été supprimées pour être mises en plastique. Néanmoins, pour moi, il reste toujours du métal à l'intérieur. Ouais, non, mais il reste du métal, mais. Il reste du métal, ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui sont effectivement remplacées par du plastique. J'en parle. La carrosserie, par exemple. Je pense que c'est du métal. Je ne sais pas lequel, il faudrait vérifier, probablement un alliage, mais je pense que ça reste en métal. À ma connaissance, je ne pense pas que ce soit du plastique. Mais par contre, si tu regardes sur tes oreilles, tu as des écouteurs. Oui, j'ai des écouteurs, tout à fait, en plastique. Ces écouteurs sont en plastique. Non, mais là, la liste, elle est interminable. Enfin, je veux dire, il y a les stylos Bic qui sont en plastique, j'en ai un sous les yeux. Les ordinateurs, les coques de téléphone. Et en fait, il y a certaines lunettes qui vont être également en plastique. Si tu regardes dans tes vêtements, quand tu vois l'étiquette des vêtements et si c'est écrit polyester ou polyamide, c'est de la matière plastique également. Ah oui, oui, parce que c'est ça. Là, ce qu'il faudrait, c'est donner une définition de ce que c'est que le plastique, parce qu'on sent que c'est large quand même. Et c'est hyper large. Un peu plus large même que ce qu'on peut avoir en tête. Et c'est beaucoup plus large que ce qu'on peut avoir en tête effectivement. Là, donc, juste ce que je voulais dire avec cette petite intro, c'est juste de montrer que des plastiques, il en existe plein. Avec plein de propriétés différentes. Et c'est le fait que le plastique puisse avoir autant de propriétés qui fait qu'il est autant utilisé. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise ? Parce qu'on peut en fabriquer de plein de catégories différentes, avec plein de propriétés différentes. Je vais rapidement brosser un petit peu ce qui existe comme grandes catégories de plastique les plus importantes. On va avoir le polypropylène. Le polypropylène qui permet par exemple de faire les pare-chocs de voiture. Qui vont être en polypropylène, certains pots de fleurs qui vont être également avec cette matière. Un autre plastique extrêmement utilisé, c'est tout ce qui est le polyéthylène, cette fois-ci. Je discuterai après de ce que ça veut dire. Mais quand on prend les jouets, c'est du polyéthylène. Les sacs poubelles, c'est du polyéthylène également. Et puis, un autre plastique qui est pas mal utilisé, c'est le polyéthylène téréphtalate, celui qui permet de faire les bouteilles. Ça fait de plus en plus gros mots quand même au fur et à mesure. Mais ça fait des gros mots, mais on va les expliquer après. Bah, c'était juste pour donner quelques exemples qui vont aussi bien des voitures, les jouets pour les grands, ou Lego, les jouets pour les petits. Quoi. Donc là, le pare-choc, tu confirmes, c'est du plastique maintenant. C'est parce que ça a été du métal quand même. C'est ça. Et là, maintenant, c'est du polypropylène. D'accord. Donc la carrosserie, peut-être pas, mais les pare-chocs, voilà. Il faudrait vérifier, mais je pense pas. Pas dit que n'importe quoi. Et puis, autre chose avec les plastiques, c'est que ça pose aussi quelques problèmes et ça fait quelques débats, notamment... au niveau de la pollution, puisqu'on va retrouver pas mal de plastique dans la nature, il se dégrade pas facilement. Donc est-ce que le plastique c'est mauvais, est-ce que c'est pas mauvais ? On parle pas mal de plastique biodégradable, certains le sont, d'autres le sont pas. Ceux qui le sont pas vont s'accumuler par exemple dans l'océan, on parle du 7e continent, c'est un continent de plastique dans l'océan Pacifique, enfin c'est dans l'océan Pacifique, il y a une grande zone qui est charriée par des plastiques. Et ça engendre des problèmes notamment sur la faune marine. Et puis on parle aussi pas mal de petites molécules toxiques qui passeraient à travers les plastiques, par exemple dans les plastiques alimentaires, pour avoir l'utilisation de plastique qui pourrait engendrer une petite toxicité. Donc il y a quand même des questions sous-jacentes au plastique et des débats par rapport à ça. Donc j'aimerais revenir ici sur deux choses. D'une part, qu'est-ce que le plastique et comment on le fabrique, et puis ensuite, comment on l'utilise d'un point de vue application et environnement. Voilà en gros ce que j'ai envie de raconter pour ce podcast. Ok. Jusque-là, est-ce que ça te paraît clair ce que je raconte ? Oui, ça paraît clair, c'est juste les gros mots que tu as dit au début, mais j'imagine que tu vas en parler quand tu vas donner la définition du plastique. Je suis juste en fait depuis tout à l'heure en train de me dire, mais la définition du plastique, ça doit être un truc sacrément tordu parce que c'est des trucs hyper différents. Mais... C'est ça. Et voilà. Du coup, il n'y a pas genre même des peintures plein plastique, ça n'existe pas ça ? Alors en fait, on peut ajouter dans le plastique des colorants. Tout ce qui va être. Tous les colorants, on a. Enfin, en gros, pour ce qui donne la couleur. Il y a deux types de matières, il y a ce qu'on appelle les colorants et les pigments. Mais, mais un truc que t'étales, sur ton mur ou sur un objet, et comme de la peinture et qui serait du plastique, c'est ça existe? Alors, bah oui, en fait, c'est disons ce qu'on va appeler peinture, ça va être le colorant qu'on va déposer sur le mur. Mais on peut diluer ce colorant ou ce pigment directement à l'intérieur d'une matière plastique pour en faire des revêtements. D'accord, mais c'est pas un truc que t'étales avec ton rouleau. Tu pourrais. Tu pourrais, alors j'ai pas d'application, mais un truc, ouais. en gros, concrètement, un truc liquide qui sèche quand tu, une fois que tu l'as étalé, quoi. Non, pas directement. Par contre, voilà, un truc que tu rends liquide en faisant chauffer, et après tu peux étaler, là oui. Mais a priori, pas de, il n'y a pas à ma connaissance de plastique liquide à température ambiante qui sert à faire de la peinture. D'accord. Donc, je connais pas tous les matériaux, parce que des plastiques, il en existe plein. Hein. Et globalement, je me fais d'ailleurs, ça j'en parle hein, au Palais de la Découverte, je me fais souvent coller par les gens parce que des plastiques, il en existe plein. Il y a toujours un plastique ou deux, ou dix, ou cent, ou 200, ou 300, dont j'ai absolument pas entendu parler. Et puis il y en a tellement de nouveaux qui apparaissent que je les connais pas tous. Donc très souvent, je vais dire, quand tu me poses des questions spécifiques sur des plastiques, j'en sais rien. Alors, bravo, bah, ça valait le coup de faire venir un spécialiste, merci, c'est cool. Ah non, mais tu vas voir qu'il y a des trucs que je connais quand même. Okay. Il y a des trucs que je fais semblant de connaître. C'est pas mal. C'est notre métier, c'est notre métier. De faire semblant, ouais, c'est pas mal. Donc, bah, du coup, vu que tu me parlais de la définition des plastiques, on va y rentrer en deux temps. Je vais rentrer dans un premier temps dans ce qu'est la matière, et puis ensuite on rentrera dans les plastiques. Dans un premier temps, la matière, donc on va rentrer dans cette partie de qu'est-ce que le plastique ? Le plastique, c'est de la matière. Et comme toutes les matières, c'est constitué de ce que le chimiste appelle des atomes. On peut brièvement expliquer la notion d'atome. Et pour la comprendre, ce que j'aime bien faire, c'est de remonter à une des premières fois où on entend parler d'atomes. On est dans l'Antiquité grecque, on est en 400 avant Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui s'appelle Démocrite qui se pose la question de la constitution de la matière. Et pour répondre à cette question, il prend un grain de sable. Et il se demande, si je prends ce grain de sable et que je le casse en deux, qu'est-ce que j'obtiens ? Naturellement, il se dit, bah, j'obtiens deux plus petits grains de sable. Il se demande, bah, si je prends l'un de ces plus petits grains de sable et que je le casse encore en deux, qu'est-ce que j'obtiens ? Bah, deux plus petits grains de sable. Si je prends l'un de ces plus petits grains de sable et je le casse encore en deux, qu'est-ce que j'obtiens ? Deux plus petits grains de sable. Et si je prends l'un de ces plus petits grains de sable et que je le casse à l'infini, qu'est-ce que j'obtiens ? Bah, là, il y a un moment, il se dit, peut-être qu'on n'obtient plus rien du tout. Mais là, c'est quand même étrange. Et il va se dire que c'est pas possible, parce que à un moment, j'obtiens un tout petit grain de sable que je vois même pas à l'œil nu, tout d'un coup, je tape dessus très fort, et j'obtiens deux rien du tout. Est-ce qu'en mettant deux rien du tout ensemble, on obtient un tout petit grain de sable ? La réponse est non. Donc c'est là qu'il va se dire que la matière doit être constituée de tout petits grains qui sont incassables, un coupable, un sécable, ça se dit atomos en grec, d'où le terme atome. Et effectivement, il faudra attendre plus de 2000 ans pour qu'en 1905, dans les alentours de 1905, quelques scientifiques comme Albert Einstein et Jean Perrin, qui font le Palais de la Découverte en 1937, montrent qu'effectivement, la matière est bien constituée d'atomes. Ce n'est que c'est pas la même chose, puisque c'est des atomes qu'on peut couper en deux. C'est-à-dire ? Bah, il y a des trucs à l'intérieur, quoi. Ah, et oui, et c'est là que ça devient intéressant. Mais juste avant de parler de ce qu'il y a à l'intérieur, même si je ne vais pas trop en parler parce que ça va sortir du cadre, je peux dire deux mots dessus. Ce qui était intéressant, c'est que la notion d'atome de Démocrite est quand même un petit peu différente de celle d'aujourd'hui. Typiquement, le sable n'est pas constitué d'atomes de sable. Aujourd'hui, on sait que c'est du silicium et de l'oxygène. Mais tous les atomes sont aujourd'hui représentés dans le tableau périodique. Toute la matière dans la nature, qu'on soit sur Terre, sur Jupiter, dans le Soleil, dans une galaxie, elle est constituée d'atomes, et il y en a 118 pour l'instant. Il y en a 118. Pour l'instant, c'est-à-dire qu'on connaît, ouais. Ou 118 On connaît, ouais. D'accord. Parce que pour l'instant, ça fait... Ouais. Ouais, pour l'instant, pourquoi ? Parce que dans la nature, dans l'espace, a priori, il n'y en a que 92. Les 92 premiers qui vont de l'hydrogène à l'uranium. Au-delà de l'uranium, on n'en trouve plus dans l'espace, mais on est capable de les fabriquer dans les accélérateurs de particules et dans les centrales nucléaires. Donc ça veut dire que tous les atomes qui vont du 93 au 118, a priori, on les trouve dans un seul endroit de l'univers, c'est sur Terre. Et donc, du coup, du point de vue des atomes, Donc ce que je disais, c'est que 92 naturels, et puis le reste, on les fabrique dans les accélérateurs de particules et dans les centrales nucléaires. Et 2016 a commencé extrêmement bien pour les chimistes, puisque dans ce tableau, il y en avait 4 qui avaient été plus ou moins découverts, mais on n'était pas sûr, qui étaient plus ou moins fabriqués, mais on n'était pas sûr que ce soit bien d'eux. C'était les éléments 113, 115, 117 et 118. Et ça y est, 2016 a commencé superbement bien, parce qu'on a prouvé qu'ils avaient bien fabriqué au laboratoire. Genre, on a fabriqué un centième de seconde et ils se désintègrent aussitôt, c'est ça ? On en fabrique quelques-uns, quelques centièmes de seconde, ils se désintègrent, on voit juste leurs traces, et c'est tout. Donc on n'en fera pas des matériaux, en tout cas. Et on est content. Et on est fort content. En tout cas, les chimistes sont fort contents. Et après, la question est à quoi ça sert les maths. Mais c'est pas grave, c'est juste la remarque que je fais régulièrement quand on parle d'autres disciplines que de maths. Et tu dis que ça n'existe que sur Terre parce qu'il faut un accélérateur de particules. On est sûr de ça ? C'est-à-dire qu'on est sûr que dans des conditions extrêmes, du style un trou noir ou autre, ça ne peut pas arriver que des trucs comme ça se créent ? Bah, du coup, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, dans les grands phénomènes astronomiques qui existent, a priori, dans ceux qu'on connaît pour l'instant, il n'y a pas assez d'énergie pour fabriquer des éléments au-delà du 92. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas encore discuté avec les astros. Oui. On est loin de connaître tout l'univers, mais peut-être qu'il y a d'autres phénomènes qui existent. En tout cas, pour l'instant, ce qui est montré, c'est que jusqu'au 92, et le reste, c'est sur Terre. Donc voilà. Alors, et puis, ensuite, toutes les matières sont constituées d'atomes. Parfois, certaines matières sont constituées que d'une seule catégorie d'atomes. Par exemple, un lingot d'or est constitué d'atomes d'or. Il peut y avoir des impuretés, mais on va considérer qu'il est constitué que d'atomes d'or. Et puis, d'autres matières vont être constituées de plusieurs atomes. Par exemple, l'eau, c'est constitué d'hydrogène et d'oxygène. Par exemple, le verre dans lequel on boit, c'est constitué de silicium et d'oxygène. Le verre en cristal dans lequel on boit, c'est du silicium et de l'oxygène auquel on ajoute du plomb pour le rendre brillant. Et le verre pyrex qu'on met au four, qui est plus résistant, c'est du silicium et de l'oxygène dans lequel on ajoute du bore pour le rendre résistant. Donc on va faire comme ça des assemblages d'atomes. Et d'ailleurs, quand les atomes sont assemblés entre eux, généralement, ils s'organisent sous la forme de molécules. Par exemple, l'eau, les atomes d'hydrogène et d'oxygène ne se baladent pas comme ça. Ils sont organisés, un atome d'oxygène est associé à deux atomes d'hydrogène, d'où la formule H2O. Et dans un verre d'eau, il va y avoir des milliards et des milliards et des milliards de molécules d'eau proches les unes des autres. Pareil, dans le verre, ça va être des milliards et des milliards de molécules collées les unes aux autres. Si on prend le sucre, ça marche de la même façon. Le sucre, c'est du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Le sucre de table, c'est ce qu'on appelle du saccharose. Et ces carbones, ces hydrogènes, ces oxygènes sont réunis sous la forme de molécules dites de saccharose. Chaque molécule de saccharose contient 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. Et puis dans un morceau de sucre, il y en a des milliards de ces molécules de saccharose collées les unes aux autres. Et c'est maintenant qu'on arrive au plastique. Parce que le plastique, c'est de la matière, et comme toute matière, c'est constitué d'atomes. Les atomes ne sont pas seuls, ils sont organisés sous la forme de molécules. Et ces molécules ne sont pas seules non plus. Elles vont être organisées sous la forme de ce qu'on appelle des polymères. Donc des atomes peuvent s'associer ensemble pour former des molécules, et des molécules peuvent s'associer ensemble pour former des polymères. Et des polymères s'associent ensemble pour former des plastiques. Tu veux dire que les polymères, c'est des molécules qui s'associent toujours de la même façon, en fait, en gros. Alors, comme les atomes s'organisent en molécules. Alors, bah, du coup, on va, pour être un peu plus clair, je vais prendre un exemple. J'aime bien cette analogie, c'est l'analogie du train. Pour comprendre les polymères on peut, et les plastiques, on peut imaginer un train. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que si je prends, par exemple, un sac poubelle, que je fais un zoom sur un morceau de sac poubelle, je verrai que ce sac poubelle, c'est un enchevêtrement de polymères. Si je fais un zoom sur un polymère, je constate que c'est un enchaînement de molécules. Et si je fais un zoom sur une molécule, je constate que c'est un assemblage d'atomes. On peut le voir différemment. On peut voir ça comme un train. Si je considère que chaque wagon, c'est une molécule. Chaque wagon, c'est une molécule. Quand je mets plusieurs molécules ensemble, j'obtiens un train. J'ai mis plusieurs molécules ensemble, je viens de faire ce qu'on appelle un polymère. Plusieurs molécules. Ah, mère, c'est molécule, en fait. Ouais, mère, c'est l'unité de base que l'on répète. Donc, polymère, plusieurs molécules, on imagine un train, un train, c'est un polymère qui contient plusieurs wagons. La molécule, c'est le wagon. Et puis ensuite, quand j'assemble tous les trains les uns avec les autres et que je les organise, bah, j'obtiens, par exemple, la SNCF. Et j'obtiens les trains qui se déplacent. Bah, ça, c'est mon matériau. Donc l'ensemble des trains, c'est le matériau. Un train, c'est un polymère. Un wagon, c'est une molécule. Et la question que je posais, pardon, j'y reviens, mais c'est une molécule, t'as une formule hyper précise. C'est genre une molécule d'eau, c'est deux hydrogènes, un oxygène. Une molécule de l'autre truc que t'as donné avec 22 carbones ou je ne sais quoi là. C'est toujours la même pour tous. Donc là, la question que je posais, c'est est-ce que dans un plastique, tous les polymères sont faits exactement de la même façon ou pas? Alors c'est là où c'est génial. C'est que maintenant le chimiste peut jouer avec tout ça. Si on prend un polymère dans un plastique, on comprend bien que quand on fait un train, je peux mettre soit toujours les mêmes wagons, par exemple je prends que des wagons de voyageurs, les mêmes. Alors dans ce cas-là, je fais un polymère qui contient que la même molécule. Je fais un train qui contient que des wagons qui transportent des voyageurs. Et mon train a une propriété, c'est de transporter des voyageurs. Maintenant, je peux faire un train dans lequel je mets que des wagons qui transportent des marchandises. Et mon train aura une propriété, c'est qu'il transportera des marchandises. Et maintenant, je peux faire un mix. Je peux faire un train qui contient des wagons qui transportent des marchandises et des wagons qui transportent des voyageurs. Dans ce cas-là, mon train a une autre propriété, il transporte des voyageurs et des marchandises. Donc le chimiste va pouvoir soit mettre toujours la même molécule, soit des molécules différentes. Et en fonction des molécules qu'il met, eh bien, il va pouvoir obtenir des propriétés différentes. Par exemple, si je prends le polyéthylène qui sert à la constitution des sacs poubelles, eh bien, c'est des molécules d'éthylène collées les unes aux autres. Si je prends du polypropylène, c'est des molécules de propylène collées les unes aux autres. Si je prends le polyuréthane, cette fois-ci, ce n'est pas des urethanes collées les uns aux autres, parce que l'uréthane n'est pas une molécule, mais une fonction. Ça va être deux molécules différentes, une qu'on appelle un isocyanate, l'autre qu'on appelle un polyol, qui sont collées ensemble. Alors, on aurait pu appeler ça polyisocyanate polyol, parce que c'est pénible. Alors, on va le noter cette fois-ci par le rassemblement des deux, on appelle ça un polyuréthane. Et donc, quand on fabrique des polymères, la propriété du plastique obtenu dépend à la fois de la nature des polymères et de la façon dont on les assemble. Parce qu'une fois qu'on a fait les trains, ben je peux les organiser de manière différente. Je peux les faire partir tous à la même heure, ou je peux les faire croiser à certains endroits et pas à d'autres. Et en fonction de comment je fais mon réseau, ben le train desservira différemment la France, par exemple. Donc en fonction de comment j'organise mes polymères, je peux également avoir des propriétés différentes. Par exemple, en prenant que du polystyrène, et en fonction de comment je vais organiser mes polymères polystyrène dans le matériau, je peux obtenir soit des verres en plastique, soit les pains de polystyrène blancs, là, les espèces de petits granulés de polystyrène blanc. De déménagement, là, et de quand t'achètes un truc fragile, là. Ouais. Et qui partent en plein de petits morceaux qui volent partout et c'est chiant. C'est ça. Donc en fonction de comment on assemble. Et c'est la même chose que les verres en plastique qu'on achète pour une fête et qu'on veut jeter à la fin de la fête. Alors pas tous, parce que certains verres en plastique sont en polypropylène, d'autres vont être en polystyrène. Mais on peut faire les deux, quoi, avec le même polymère. Et il suffit de regarder sur le derrière du gobelet, c'est écrit, quand c'est écrit PS, c'est que c'est du polystyrène. Alors du coup, je sais pas, ça te paraissait clair ou pas? Ouais, ça me paraît clair, juste du coup ça me paraît un peu, comment dire, un truc en plastique, c'est donc le polystyrène, c'est un plastique aussi, alors t'es en train de me dire là. On l'avait pas dans la liste tout à l'heure. Le truc qui me paraît foufou, c'est de dire comment on peut créer un truc où tu mélanges différents types de molécules comme tu le veux, en faisant en sorte que, si j'ai bien compris, chaque polymère soit globalement le même. Oui, j'ai toujours pas la réponse à ma question quand même. D'accord. Les trains, est-ce qu'ils ont tous le même nombre de wagons foutus exactement pareil dans un plastique? Ça, c'est parce une que, super bonne question. C'est pour ça que je te posais la question. Une molécule, c'est très clair. Il y a exactement la même chose dans chaque molécule. Oui. Est-ce que c'est la même chose pour un polymère ou justement, tu peux faire des trucs différents, mais est-ce qu'au sein d'un plastique, au sein d'un truc de polystyrène, est-ce que tous les polymères sont exactement foutus pareil ou est-ce que c'est à peu près, c'est juste qu'ils sont assemblés de la même façon, quoi? C'est une super bonne question. Et effectivement, les trains n'ont pas toujours la même longueur. En fait, on a une distribution, celui qui... Donc ça veut dire que, là déjà, on voit que la fabrication d'un plastique, elle va se faire en trois temps. Il faut déjà fabriquer la molécule, ensuite il faut assembler les molécules, et puis fabriquer la molécule, assembler les molécules en polymères et organiser les polymères. Donc en fait, il faut les matières premières, puis faire une polymérisation, et puis il va falloir donner forme. Et effectivement, autant les molécules sont toutes les mêmes, autant par contre les polymères qu'on obtient, ben certains vont être plus grands, d'autres vont être plus petits. Le chimiste essaye de faire une distribution autour d'une même valeur, mais il y en a des plus ou moins grands et des plus ou moins petits. Et du coup, ben, en fonction, on va quand même avoir malgré tout des propriétés qui sont relativement similaires, mais ça c'est le travail du polymériste. Est-ce que ça répond à ta question du coup ? J'imagine que oui. Oui, oui. Parfait. Oui, oui. Là, j'ai une petite gêne auditive, mais oui, ça répond à ma question. Ok. Alors, Donc par exemple, juste pour reprendre ton image des trains, là, quand tu mélanges marchandises et voyageurs, ouais. Tu peux pas, dans les polymères, ça peut pas être genre, tu peux pas t'assurer que c'est 1 sur 2 ou des trucs comme, aussi précis que ça. Tu vas mélanger avec une proportion. Alors ouais, ça c'est encore une autre bonne question. Du coup, quand on fait le train, effectivement, certains trains vont avoir par exemple un train de voyageurs, un train de marchandises, un train de voyageurs, un train de marchandises, un train de voyageurs, un train de marchandises. On peut essayer de faire des choses comme ça. On y arrive. Ensuite, on peut est-ce faire, que tu peux par t'assurer exemple, que dans un plastique, tous les polymères aient au moins le même. Alors, on essaie de s'assurer qu'ils ont à peu près au moins le même nombre de wagons. Et puis après, on essaie de s'assurer que les wagons sont toujours à peu près dans le même ordre. Mais ça, on peut pas s'assurer que ça marche complètement, quoi. C'est à peu près. Non, c'est une distribution. C'est ça, d'accord. On a une distribution autour d'une valeur cible. Et donc, et pour la taille, et pour la. Disons qu'on peut dire, par exemple, on veut qu'ils aient à peu près moitié-moitié, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, après, on peut pas dire que c'est exactement 1 sur 2 pour tous, quoi. C'est ça. C'est vraiment ça l'idée. Après, c'est le travail du polymériste qui va essayer de faire en sorte que ce soit à peu près pareil pour tous. Soit par exemple des blocs. Donc on peut avoir 1 sur 2, on a un arrangement qui est bien défini. Ou alors on peut avoir n'importe comment. Ou alors des arrangements par bloc. Par exemple, d'un côté, tous les wagons voyageurs et de l'autre côté, tous les wagons marchandises. Voilà. Donc la molécule, c'est toujours rigoureusement identique. Le polymère, c'est à peu près identique. Ok. C'est ça l'idée. C'est une très bonne question. Et donc ça permet de gérer comme ça les propriétés des matériaux qu'on obtient. Et dernier point, avant de rentrer encore un peu plus dans le sujet, parce que tout à l'heure tu m'as demandé une définition d'un plastique, et c'est là où c'est un peu le bordel. Parce que du coup, en fonction de la littérature, on peut avoir des définitions plus ou moins différentes. Certains disent que une matière plastique est une matière constituée de polymères. Dès l'instant où je fais un zoom sur la matière et je constate que c'est un assemblage de polymères, alors j'appelle ça un plastique. Et souvent, ça va être quelque chose qui peut être moulable. On va pouvoir donner une forme, le mettre en forme. Et puis d'autres vont dire, bah non. Parce qu'en fait, on a de la matière qui est constituée de polymères, mais qui ne va pas avoir tout à fait les mêmes propriétés. Par exemple, le caoutchouc. Le caoutchouc, c'est constitué aussi de polymères, mais cette fois-ci, on va avoir des propriétés élastiques. Ça veut dire que, par exemple, je peux tirer énormément sur du caoutchouc, il s'étend, et quand je lâche, même en l'ayant étiré très fort, quand je lâche, il revient à sa position initiale sans être abîmé. Si je fais la même chose avec un sac poubelle, il va casser. Et puis, du coup, on en vient à faire une autre catégorisation où on va parler des polymères en général et on va dire qu'il existe trois catégories de polymères. Il y a les polymères naturels. Par exemple, dans notre corps, il y a de l'ADN. L'ADN, c'est des molécules collées les unes aux autres. Une base azotée, collée à une base azotée, collée à une base azotée, collée à une base azotée. L'ADN est un polymère naturel. Les protéines. Ouais, donc la première définition des plastiques dit que l'ADN c'est du plastique. Ben c'est là, tu vois, où justement, il y a des choses qui moi me satisfont pas dans cette définition, je donne les deux. Du coup, ça change l'image du plastique, quoi. Du coup, ça change carrément l'image du plastique. Et pareil pour les protéines qu'on a dans l'organisme aussi. C'est des polymères. Un acide aminé collé à un acide aminé collé à un acide aminé collé à un acide aminé collé à un acide aminé, etc., etc. Et puis ensuite, il y a les polymères dits semi-synthétiques ou artificiels. C'est des polymères qu'on trouve dans la nature, mais que l'homme transforme. Par exemple, le caoutchouc naturel. Et ouais. Donc, on l'obtient à partir de l'EVA. C'est ce qu'on appelle du polyisoprène, une molécule d'isoprène, collée à une molécule d'isoprène, collée à une molécule d'isoprène, collée à une molécule d'isoprène, etc. Quand on le prend naturellement, il n'a pas des propriétés qui sont géniales. Par contre, à partir de 1839, un monsieur qui s'appelle Charles Goodyear va faire ce qu'on appelle réticuler les polymères. Souvenez-vous tout à l'heure quand on a parlé du train. Dans le cas du polyisoprène, la molécule de base c'est l'isoprène, c'est le wagon. Les polyisoprènes, c'est les trains, plein d'isoprènes collés ensemble. Et puis ce que va faire Charles Goodyear, c'est qu'une fois qu'on a tous les trains, lui il va accrocher les trains ensemble. On appelle ça faire une vulcanisation, et ça permet d'avoir le caoutchouc tel qu'on l'utilise. Donc il a pris un polymère qui existait dans la nature, et il l'a un tout petit peu modifié. Dans ce cas-là, on parle de polymère semi-synthétique. Et puis ensuite, il y a les polymères dits synthétiques. Ceux-là, ils n'existent pas dans la nature, et ils sont entièrement fabriqués par l'homme, et c'est le cas de quasiment tous les plastiques qu'on utilise. Pour être plus précis, moi j'aime bien dire que les polymères forment plusieurs catégories de matériaux. Une grande partie des polymères forment une catégorie de matériaux qu'on appelle le plastique. Le plastique, ça va être un matériel qu'on ne trouve pas dans la nature et qui va avoir plein de propriétés différentes en fonction de comment on le fabrique. Par contre, il n'a pas cette propriété élastique qu'a le caoutchouc. Globalement, ça recouvre à peu près les polymères parfaitement synthétiques. C'est ça. Globalement, ça recouvre les polymères synthétiques parfaitement. Et ça recouvre une très très grande partie de tous les polymères qui existent. Ta définition du plastique, c'est les... Globalement, c'est... La définition du plastique, c'est les polymères synthétiques. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien assimiler ça à ça. Polymère synthétique égale plastique. Voilà, du coup, c'était pour dire que c'est un peu le bordel dans la définition. Non, mais c'est normal. C'est rassurant. Quand c'est trop bien rangé, ça m'angoisse. Et puis, si on veut ajouter une tranche au-dessus, dans le plastique, il y a deux grandes catégories de plastique. Il y a les plastiques qui sont dits thermoplastiques et les plastiques qui sont dits thermodurcissables. Les thermoplastiques sont des plastiques qui peuvent être modifiables par chauffage. En les chauffant, on les fond et puis on peut les remouler différemment. Et puis ensuite, si ça ne plaît pas, on peut le refondre et le remouler différemment encore. Et les thermodurcissables, eux, une fois qu'on les a fabriqués, ils ont leur forme définitive. Et après, on ne peut plus rien en faire. À part les utiliser. Voilà un petit peu pour les définitions. Je ne sais pas si c'était très clair. Si. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un plastique, c'est constitué de polymères. Les polymères sont constitués de molécules. Les molécules sont constituées d'atomes. Jusque-là, tout va bien. Et du coup, on va passer maintenant à la partie de comment on fabrique un plastique. Et ce que je disais, c'est que la fabrication du plastique, elle se fait en trois grandes étapes. On a dit qu'un plastique, c'était un assemblage de polymères. Donc, il faut assembler les polymères. Pour fabriquer un polymère, il faut mettre des molécules les unes à la suite des autres, et puis il faut avoir ces molécules. Donc fabriquer les molécules, assembler les molécules pour avoir des polymères, puis assembler les polymères. C'est les trois grandes étapes. Et on va s'intéresser dans un premier temps à la première étape qui est où est-ce qu'on trouve les molécules qui permettent de faire les polymères, qui permettront de faire les plastiques. Il y a deux grandes catégories de matières premières qui sont utilisées pour obtenir les molécules, les monomères, les wagons des trains. La première des catégories, c'est la catégorie des ressources fossiles. En gros, la majeure partie des plastiques qu'on utilise sont fabriqués à partir du charbon, du pétrole ou du gaz naturel. C'est sur 100 objets en plastique, il y en a 90 qui sont fabriqués à partir de ces ressources-là. Le charbon était pas mal utilisé avant, il est de moins en moins. Depuis les années 50, le pétrole a bien pris le relais quand même sur la fabrication des matières plastiques. Et juste, ça n'a pas grand-chose à voir avec le plastique, mais j'avais quand même envie un petit peu d'en parler parce que c'est une notion qu'on n'a pas toujours. L'autre grande ressource, c'est les végétaux. Donc les grandes ressources aujourd'hui, c'est matière fossile, matière végétale. Dans les matières fossiles, on a le charbon. Le charbon, c'est à peu près, entre guillemets, à peu près bien réparti. On va trouver 25% du charbon se situe en Amérique du Nord, 30% du charbon se situe en Asie, 25% du charbon se situe plutôt vers la Fédération de Russie. Il y a 6% du charbon en Europe. Ça, c'est à peu près une bonne répartition. Parce que quand on regarde le pétrole et le gaz naturel, quand on prend le pétrole, c'est 60% du pétrole au Moyen-Orient, le reste étant un peu partout sur la planète, Et pour le gaz naturel, c'est 40% au Moyen-Orient et 30% au niveau de la Fédération de Russie. Le reste étant un peu disséminé ensuite, ensuite sur la planète. Les végétaux, eux, on va en trouver un peu partout. Donc c'était juste pour donner cette idée, parce que très souvent quand on pense pétrole, gaz naturel, charbon, on pense à l'énergie. Il faut bien voir qu'une très grande partie de tout ce qu'on utilise dans notre quotidien est fabriqué à partir de ces grandes matières premières. Et que si demain il n'y a plus de pétrole, on va avoir un problème pour la fabrication d'une grande partie des objets qu'on utilise. Et pas que pour l'énergie. Bon, faut savoir qu'il n'y a que 10% du pétrole qui part hein, pour la fabrication des objets. C'est pas tant que ça, mais n'empêche que la majeure partie des objets qu'on utilise sont fabriqués à partir de ces matières premières-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le chimiste essaie de fabriquer aussi pas mal d'objets à partir d'une autre matière première qu'on trouve, qu'on peut trouver plus facilement, c'est les végétaux. Voilà, en gros, pour ces grandes catégories de matières premières. Je vais absolument pas rentrer dans le détail de comment on fabrique du plastique à partir du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Parce que je préfère m'attarder sur les végétaux. Pourquoi ? Parce que justement, les végétaux seront pour moi peut-être une solution d'avenir. Et je pense que dans l'avenir, la part des végétaux va augmenter. Donc, je préfère parler des végétaux que des matières fossiles. Juste peut-être quand même quelque chose, c'est que le charbon, on appelle ça la carbochimie. On en parle un petit peu moins, mais peut-être que ça reviendra sur le devant de la scène. Pourquoi ? Parce que bah, du charbon, il y en a encore quand même. Du pétrole, il y en a encore aussi, hein, mais il risque d'y avoir peut-être plus de charbon que de pétrole. Et donc peut-être qu'à un moment, on reviendra au charbon. Le problème du charbon, c'est qu'il est solide. Le pétrole, lui, est liquide. Parfois très visqueux, mais il est liquide. C'est plus facile d'extraire et de transporter du pétrole que d'extraire et de transporter du charbon. C'est pour ça qu'on utilise, depuis qu'il y a eu l'essor du pétrole, on préfère utiliser le pétrole que le charbon. Mais il y a des méthodes aujourd'hui hein, qui permettent d'extraire ce qui nous intéresse du charbon, soit sous forme de liquide, soit sous forme de gaz. Parfois directement de la mine même. C'est compliqué, mais ça peut être fait. On peut extraire des gaz directement depuis les mines. Le charbon, on peut en extraire les gaz intéressants qui vont servir après. Donc, peut-être que ça permettra au charbon d'en venir sur le devant de la scène. En tout cas, quand on transforme le charbon en plastique, on va parler de carbochimie. Quand on transforme le pétrole en plastique, on va parler de pétrochimie. Et le gaz, il n'y a pas de mot, parce que pétrochimie, je l'ai anticipé, mais pour le gaz, j'ai pas la... Non, je gazochimie, ça n'existe pas. Gazochimie. Peut-être qu'on parle de pétrochimie aussi. Hein. Ok. C'était pas grave. Donc, la fabrication des plastiques, aujourd'hui, c'est 90% à partir du pétrole, principalement, et du gaz naturel, et 10% à partir des végétaux. Les végétaux utilisés, il y en a plusieurs. Les principaux, c'est le blé, le maïs, la pomme de terre et le ricin. Le pardon ? Le ricin. Le ricin ? Ouais. Ah, comme l'huile de ricin. Comme l'huile de ricin, oui, tout à fait. C'est à peu près, j'avais jamais pensé que l'huile de ricin, j'avais aucune idée de ce que c'est le ricin. D'accord, c'est une plante quoi. C'est une plante. C'est une plante qui produit des graines qu'on va utiliser. Alors du coup, il y en a d'autres encore, hein, des matières végétales qui sont utilisées, mais on va pas mal trouver celle-là. Blé, maïs, pommes de terre, j'imagine que tu les connais bien. Ça va, c'est bon. On en mange. Le ricin, lui, on le connaît un petit peu moins parce qu'on n'en mange pas, mais néanmoins, il y a l'huile de ricin quand même qui existe. Ouais. Le problème de fabriquer des matières plastiques à partir du blé, du maïs et de la pomme de terre, c'est que bah, c'est des matières qui sont comestibles. Alors, si on utilise pour faire du plastique au lieu de faire de la nourriture, bah, ça pose un problème. Ça pose un problème alimentaire. Alors, moi, j'aime bien le ricin pour ça. J'aime bien le ricin parce que lui, on n'en mange pas. Donc, en fait, on peut fabriquer du plastique avec un végétal qui n'est pas comestible et qui ne rentre pas en compétition avec l'alimentaire. Ça, je trouve que c'est une bonne chose. Bah, si ce n'est qu'après, il faut quand même, si on veut s'en servir à grande échelle, il faut quand même le planter et les plantations prendront la place de plantations, enfin peuvent éventuellement prendre la place de plantations qui sont à manger, quoi. Et c'est là que c'est génial, parce que le ricin va pousser sur des terrains semi-arides, là où la culture du blé, du maïs et de la pomme de terre est compliquée. Donc, ça va, du coup, c'est carrément bien. Ok. Là, donc le ricin, c'est bien. Le ricin, c'est bien. Sauf que, du coup, tout à l'heure, je parlais de matière Parce que ça peut pousser un peu partout. Néanmoins, aujourd'hui, les grandes cultures d'oricin, c'est principalement Amérique du Sud et Asie. Ça reste et en plus, c'est joli. En plus, c'est joli. Alors, ouais. Ça peut être un peu dangereux aussi, parce que dans le ricin, il y a une protéine extrêmement toxique qu'on appelle la ricine. Dans le ricin, il y a un poison qu'on appelle la ricine. Et bah d'ailleurs, la ricine, peut-être certains ont déjà entendu parler. Si vous avez entendu parler de l'affaire du parapluie bulgare, c'était un meurtre qui a eu lieu en 1978. C'était un bulgare qui s'appelait du coup Markov, qui était à Londres. Il était à un arrêt de bus et tout d'un coup, il a senti une piqûre à la jambe. Il se retourne et là, il y a un homme qui lui a donné un coup de parapluie à la jambe. Alors l'homme ramasse son parapluie, demande pardon à Markov en disant qu'il n'a pas fait exprès. Il ramasse son parapluie, Markov lui dit que c'est pas grave, et l'homme au parapluie prend un taxi et s'en va. Markov lui rentre chez lui, et il rejoint sa femme. Et tout se passe à peu près bien. Sauf qu'il commence à avoir de la fièvre, à pas se sentir très bien. Bon, il va se coucher, il se dit qu'il a sûrement chopé un rhume, sauf que dans la nuit, il se sent moins bien encore, son état de santé s'est dégradé, sa femme décide de l'emmener à l'hôpital, et à l'hôpital, les médecins constatent qu'effectivement, il va pas bien. Mais il n'arrive pas à trouver ce qu'il a. Aussi, il remarque bien qu'à la jambe, là où il a reçu le coup de parapluie, il a une petite tache rouge. Alors du coup, il y a des radios qui sont faites, mais on voit rien. Et son état de santé continue de se dégrader. Et 3 jours plus tard, alors qu'il est à l'hôpital, il meurt. Sans qu'on sache pourquoi. C'est qu'à l'autopsie que sa jambe va être ouverte, là où il y avait cette irritation rouge. Et il y a une toute petite bille de métal qui est retirée de la jambe. Cette bille de métal, elle fait moins d'un millimètre de diamètre. Elle est plus petite qu'une tête d'épingle. Et elle était faite en un matériau qui n'est pas visible à la radio. Alors je ne sais plus si c'est l'indium ou l'iridium. Donc je vérifie et j'ai peut-être, comme d'hab, j'ai toujours plein de... Ouais, sinon, à la limite, ceux qui sont intéressés iront regarder au pire. Mais voilà, enfin bref, un matériau... C'est vraiment complètement comme dans les films, quoi. C'est complètement comme dans les films. D'ailleurs, le parapluie a été... Et donc, à l'intérieur, il y avait des résidus de ricine. Donc l'homme a bien été assassiné, empoisonné à la ricine. Et du coup, le parapluie a été retrouvé... Et le parapluie, c'était vraiment un parapluie à la James Bond. Hein. En mode le bout du parapluie était taillé en biseau pour pouvoir traverser les vêtements et traverser la peau. Le tube du parapluie était creux. Un petit système d'air comprimé permettait, en appuyant sur un bouton, d'injecter la petite bille pleine de ricine directement dans la jambe. La ricine n'avait plus qu'à diffuser. Et puis c'était tranquille comme ça. Quoi. Ouais, vraiment comme dans les films. Et ils auraient trouvé la bille plus tôt. Du coup, peut-être ils en seraient sortis. Quoi. Ils auraient... Ouais, peut-être sans s'en sortir, parce que je crois qu'il y a un... Alors, j'ai pas revérifié, mais il y a peut-être un traitement à l'empoisonnement. Bref, la ricine, c'est cool, sauf que ça peut empoisonner. Sauf que ça peut empoisonner. Et on pourrait se dire que c'est un vieux poison, mais en fait, pas du tout. C'est encore utilisé aujourd'hui. Puisque en 2013, Barack Obama reçoit des lettres empoisonnées à la ricine. Alors, les lettres sont interceptés avant, mais la ricine est encore d'actualité, quoi. Et alors, attends, c'est sous quelle forme? Parce que là, l'autre, c'était sous la peau, dans le sang, tout ça, mais là, les lettres à la ricine, c'est quoi? Je pense que c'est la ricine sous forme... j'en suis quasiment sûr, il faudrait quand même le vérifier, mais je pense que c'est la ricine sous forme de poudre. Je pense que quand elle est inhalée, sous forme de poudre très fine, si elle est inhalée, je pense qu'elle va pouvoir marcher aussi. Ok. Ouais, dans les recherches pour voir à quoi ressemble la ricine, là je tombe sur effectivement un truc avec mal de tête, mal de je sais pas quoi au poumon ou je ne sais quoi, et il y a marqué ricine inhalation. Et voilà, donc il y a injection ou inhalation. Fièvre, tout ça, ouais. Nausée. Si normalement tu tapes Barack Obama ricine, tu devrais tomber sur l'article du journal qui montre ça, enfin la personne a été arrêtée et tout. Il y a eu cette affaire là. Et ça se trouve dans la graine de ricin, c'est quand même embêtant parce que la graine de ricin, on va quand même l'utiliser pour faire après du plastique. Sauf que ce qui est super, c'est que la ricine est un poison, mais un poison qui est très sensible à la chaleur. Donc en fait, quand on chauffe la ricine, elle se dénature, puisque c'est une protéine. D'ailleurs, on est constitué, nous, hein, de beaucoup de protéines, et puis si on met dans un four à 150 degrés, on meurt. Parce que les protéines, elles se dénaturent. Donc voilà, il suffit de chauffer, et on dénature la ricine, et ça pose ensuite plus aucun problème. Et d'ailleurs, les gens qui travaillent dans les champs de ricin n'ont absolument aucun problème avec la ricine. Il faut quand même la purifier, et puis l'injecter ou l'immaler pour qu'il se passe. D'accord, donc il n'y a pas de danger au niveau des champs. Parce que ça, quand même, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Quoi. Le seul danger, c'est qu'il y a quand même... Il y a quand même des tests qui sont faits avant, c'est qu'on teste l'allergie des gens. En gros, l'idée, c'est que ça peut juste générer des problèmes d'allergie qui peuvent du coup être graves. Donc bah là, ceux qui vont aller travailler dans les champs, on teste. S'ils sont allergiques, ils y vont pas. S'ils sont pas allergiques, c'est bon, ils peuvent travailler. Okay. Voilà un petit peu pour le ricin. Donc ça devrait être gérable. Ça devrait être gérable. Bah, d'ailleurs, hein, et c'est là où... je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail, plus que dans les matières premières fossiles. Quand on regarde un petit peu l'histoire, donc les premiers plastiques ont été fabriqués au début des années 1900. C'est fabriqué à partir des ressources fossiles. Et les premiers plastiques à partir des végétaux sont fabriqués dans les années 70 à peu près. Ce qui correspond au moment du premier krach pétrolier. Bah oui. Et quand on regarde l'histoire des plastiques fabriqués à partir des végétaux, elle colle un peu à l'histoire du pétrole, dans le sens où quand le pétrole est pas très bon marché, bah, les végétaux reprennent le devant de la scène. Quand le pétrole est bon marché, les végétaux s'éloignent un peu. Ça a fait quelques allers-retours comme ça. Et puis maintenant, depuis quelques années quand même, il n'y a plus d'allers-retours, les végétaux commencent à être de plus en plus sur le devant de la scène, parce que d'un point de vue économique, ça commence à devenir, ça peut commencer à devenir intéressant. Le pétrole va aussi devenir cher à extraire, donc il y a un moment ça deviendra intéressant. Et d'un point de vue écologique, c'est intéressant également, puisque l'impact de la fabrication des plastiques à partir des végétaux, si on prend d'un point de vue dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère, va être moindre, puisque on replante des végétaux qui vont reprendre une partie du dioxyde de carbone qu'on met dans l'atmosphère. Donc d'un point de vue écologique, c'est sympa. Et puis en plus, d'un point de vue écologique, on n'est pas obligé de transporter les végétaux sur d'énormes distances. On peut construire les usines facilement à côté. Quand on a du pétrole offshore, c'est-à-dire du pétrole en pleine mer, bah, construire une usine en pleine mer, c'est compliqué. Donc, il va y avoir là, on pourrait en construire limite un peu partout dans le monde, quoi, parce que si le ricin, enfin, c'est les terres arides, tu dis, donc c'est pas forcément partout, mais semi-aride. Mais c'est quand même à beaucoup d'endroits, quoi. C'est ça. Alors ensuite, on n'est pas obligé de les planter que sur des terrains semi-arides, mais c'est mieux d'utiliser des terrains semi-arides. Après, on verra que c'est pas si simple que ça. On parlera en conclusion, on verra, en conclusion de cette partie, on verra que remplacer les plastiques issus du pétrole par des plastiques issus des végétaux, c'est pas si facile que ça. Mais du coup, je vais juste donner avec le ricin l'exemple. Si on se souvient de ce que je disais tout à l'heure, un plastique. Pour fabriquer un plastique, il faut une molécule de base. Ensuite, il faut accrocher cette molécule de base l'une derrière l'autre pour fabriquer le polymère. Et ensuite, assembler les polymères. Très rapidement, donner l'exemple avec l'huile de ricin. Avec le ricin. En gros, comment on fabrique du plastique à partir du ricin? Ben, on récolte les graines. Et une fois qu'on a récolté les graines, on va extraire l'huile. Pour extraire l'huile, on broie tout simplement on broie la graine. Et on en extrait l'huile. D'un côté, on obtient l'écorce de la graine, qu'on appelle le tourteau, qui ça va pouvoir être donné à manger aux animaux. Et puis de l'autre côté, on extrait l'huile, et c'est l'huile qui va être chimiquement transformée pour fabriquer le plastique. Alors l'huile peut être utilisée directement comme laxatif, elle peut être aussi utilisée comme lubrifiant moteur, ou alors le chimiste la transforme, et une fois qu'il la transforme, on peut faire du plastique. La transformation se fait en deux grandes étapes. Il y a l'obtention de la petite molécule de base, et ensuite il y a la polymérisation. Pour obtenir la petite molécule de base, on prend l'huile, on la mélange dans un premier temps avec du méthanol. L'huile, comme toutes les huiles, elle est constituée de ce qu'on appelle des triglycérides. Un triglycéride, c'est trois acides gras ensemble. Et c'est des milliards et des milliards et des milliards de triglycérides collés les uns aux autres qui forment l'huile. Si je prends l'huile de tournesol que j'ai chez moi, si je fais un zoom sur l'huile de tournesol, ben j'ai remarqué que c'est des milliards de triglycérides collés les uns aux autres. Si je fais un zoom sur de l'eau, des milliards de molécules d'eau collées les unes aux autres. La différence entre l'huile de tournesol et l'huile de ricin, c'est que ce n'est pas les mêmes triglycérides. Et il se trouve que le triglycéride de l'huile de ricin peut être utilisé pour faire du plastique, pas celui de l'huile de tournesol. Donc ces triglycérides, on va commencer par les découper et on va les séparer les uns des autres. Un triglycéride, c'est trois acides gras. Pour libérer les acides gras, on met du méthanol. Et on va obtenir comme ça l'acide gras de l'huile de ricin. Et l'acide gras de l'huile de ricin s'appelle l'acide ricinoléique. Cet acide ricinoléique contient 18 carbones. Le problème, c'est que la molécule à 18 carbones, elle est trop grande. Et ce que le chimiste veut, en tout cas pour fabriquer le plastique à partir de l'huile de ricin, ce qu'on appelle le ricin, c'est simplement 11 carbones. Donc il va découper l'acide ricinoléique. Et pour le découper, il va mélanger cet acide ricinoléique en le mettant avec de la vapeur d'eau dans un four à 800 degrés. Et là, on va passer d'une molécule qui contient 18 carbones à une molécule qui n'en contient plus que 11. Et il n'y en a pas une qui en contient 7 qui se retrouve dans la nature, là ? Et si, et celle qui en contient 7, eh bien, on va pouvoir ensuite l'utiliser dans les cosmétiques. Ah, très bien. Rien ne se perd. C'est génial. Rien ne se perd avec le ricin, c'est top. Et puis ensuite, on récupère celle qui a 11 carbones et on va la fonctionnaliser. On va la fonctionnaliser parce que d'un côté, elle a une tête acide et de l'autre côté, on va lui mettre une tête amine. Alors, une tête acide, c'est quelque chose qui contient un carbone, deux oxygènes et un hydrogène. Et une tête amine, c'est quelque chose qui contient un azote et deux hydrogènes. Donc en gros, j'ai 10 carbones au milieu. De l'autre côté, j'ai le 11e carbone avec deux oxygènes et un hydrogène. Et de l'autre côté, j'ai un azote avec deux hydrogènes. Et ça, c'est mon wagon. Et tous les wagons peuvent s'accrocher les uns aux autres parce que une tête amine peut se coller à une tête acide. Donc ça se fait limite tout seul, tu veux dire ? Et ça se fait tout seul. Et ça libère de l'eau. C'est la polymérisation. Quand on fait la polymérisation, on prend tous ces wagons, on les met ensemble, alors moyennant quelques conditions de température et de pression. Et puis hop, on obtient comme ça les polymères. Comme c'est le même genre que la cristallisation, à partir du moment où tu as mis ce qu'il fallait avec les bonnes conditions, ça s'assemble tout seul. Ça s'assemble tout seul, c'est ça. Et du coup, en fait, la cristallisation, c'est l'assemblage. Là, ici, c'est la formation du matériau. Bon, sauf qu'une fois qu'on a obtenu le polymère, on l'obtient sous forme de granulé. Il va falloir ensuite le mettre en forme. Et pour le mettre en forme, il y a différentes méthodes. On peut par exemple le mouler. Je peux prendre ce polymère, je peux le mouler, et avec ça, je peux par exemple obtenir les colsons. Les colsons, c'est les bagues de serrage qu'on utilise dans le bricolage. Parce qu'en fait, le ricin, qui est le plastique obtenu à partir de l'huile de ricin, c'est un plastique qui est extrêmement résistant d'un point de vue thermique, il est résistant à la température. D'un point de vue chimique, si je le mets avec des matières acide, basique, il ne va pas lui arriver grand-chose, et il est résistant d'un point de vue mécanique. Si je le griffe, si j'essaye de le casser, il est assez résistant, d'où les bagues de serrage, par exemple. On va également en faire des tuyaux qu'on va mettre dans des voitures pour faire passer de l'huile, de l'essence, des trucs comme ça. Vu que c'est extrêmement résistant aux matières chimiques, ça passe, ça pose pas de problème. Et puis, on peut également avoir une autre mise en forme, c'est faire des enrobages. Je prends un métal que je voudrais protéger, et puis un métal fragile, par exemple, que je voudrais protéger, je peux l'entourer de ce plastique. On fait chauffer du plastique pour le faire fondre, et puis ensuite j'enrobe comme ça un métal avec, et après ce métal va être protégé. Donc quand tu parles de moulage, c'est juste en fait on fait fondre et puis on le met dans un moule pour lui donner la forme qu'on veut, quoi. C'est ça. C'est juste on fait fondre et ça marche. Ok. Alors on fait fondre, et puis après, quand tu le mets dans le moule, il faut le mettre avec des bonnes conditions de pression, parce que tu veux l'objet creux, l'objet plein, donc en fonction de ça, tu vas mettre de l'air, pas d'air. En gros, il y a quand même, ça a l'air facile comme ça, mais il y a plusieurs méthodes d'assemblage qui existent. Moi, tu sais, quand on dit que c'est théoriquement faisable, c'est bon, c'est comme si c'était fait, après... C'est ça, mais en gros, l'idée, c'est ça. Ok, je dis pas que c'est facile, j'imagine. Et puis après, tu peux enrouler des métaux, par exemple, les caddies de supermarché. Vont être plastifiés avec du ricin. Ah oui, parce que vu que c'est résistant, même mécaniquement, si on met des coups de clé, qu'on essaye de rayer le bidule, ça va pas se rayer. Donc le caddie est protégé. Et quand tu dis on fait tout ça, c'est le cas, c'est-à-dire que aujourd'hui, si les caddies aujourd'hui, les colliers de serrage aujourd'hui, etc. Comme tu sais, il y a que 10% des plastiques. Tous ces objets-là, ils sont déjà faits comme ça. C'est ça. D'accord. C'est ça. Il y a plusieurs applications. Hein, c'est fait notamment par la société Arkema. Donc en allant sur le site de la société Arkema, il y a moyen de voir les différentes utilisations du Ryssan. Mais en tout cas, voilà quelques exemples. Par exemple, les lits des hôpitaux vont être aussi plastifiés de cette manière-là. En gros, on chauffe l'armature en métal, et puis ensuite on la trempe chaude dans du Ryssan en poudre, et puis le Ryssan, la poudre, se fond uniquement autour de la structure métallique, et c'est comme ça qu'on fait l'enrobage. Et c'est facile à nettoyer, et du coup, pour les lits des hôpitaux, c'est génial. Tu vas avoir une bonne résistance aux ultraviolets, et tu vas pouvoir également aussi, quand tu as des matériaux qui doivent être mis au niveau des ultraviolets, bah, tu peux, certaines canalisations qui sont dehors, par exemple, tu vas pouvoir les protéger avec ça, sans problème. Et sauf erreur, c'est un truc, je crois, il me semble que je fais une page de pub hein, quand même pour notre boulot. Vous faites ça de faire oui. Du plastique en direct en trempant un truc très chaud dans des billes là. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Il me semblait que j'avais déjà vu ça avec un truc bleu là. Ouais, c'est ça, bah voilà. Bah, d'ailleurs, du coup, on a. Donc, pour ceux qui sont intéressés, passez au palais de la découverte, l'expérience sera faite sous vos yeux en direct. C'est un peu ça l'idée, ouais, complètement. Si notre direction nous entend comme ça, ils nous compteront ça en heure sup. Mais d'ailleurs, hein, ce que je suis en train de présenter, c'est quelque chose que je raconte aussi au palais de la découverte. Hein, puisque du coup, bah, pour être assez réactif, pour pouvoir venir présenter, j'ai repris des choses que je présente déjà plus ou moins. Jusque-là, est-ce que ça paraît clair ? Hyper clair, hyper intéressant. Je suis très content de savoir comment on fait du plastique. Alors, juste quand on parle de la mise en forme, il y a aussi l'ajout d'additifs à l'intérieur. On peut ajouter des additifs antioxydants, on peut ajouter des additifs colorants, enfin il y a plein d'additifs qu'on peut également ajouter au plastique lorsqu'on le met en forme. Et quand on fabrique un plastique, il y a trois grandes étapes. Fabriquer la molécule de base, et la molécule de base on l'obtient soit à partir des matières fossiles, soit à partir des végétaux. Une fois qu'on a la molécule de base, donc le wagon, on va les coller les unes derrière les autres, on fabrique le train, c'est la polymérisation. Et une fois qu'on a fait la polymérisation, on assemble les polymères les uns derrière les autres, et c'est l'assemblage. Et au moment de l'assemblage, on peut également ajouter des additifs à l'intérieur. Et pour avoir une propriété d'un plastique, on va pouvoir jouer à la fois sur la molécule de base, sur l'assemblage des molécules en train, et sur l'assemblage des trains les uns par rapport aux autres. Ces trois choses-là vont gérer la propriété du plastique, donc on peut avoir des milliers, et c'est ce qu'il y a hein, d'ailleurs, hein, des milliers de plastiques différents avec des milliers de propriétés différentes. Et alors la molécule, je vois bien comment on peut avoir des molécules différentes. La polymérisation, là, l'exemple que tu as donné, on ne voit pas bien comment on pourrait en avoir d'autres. Et ben, parce que tu disais que ça se faisait tout seul avec la même, les mêmes molécules. Oui, ben, du coup, c'est ça. En fait, soit je mets les mêmes molécules les unes avec les autres. Ah oui, tu peux mélanger plusieurs molécules. Voilà. Donc en fait, ouais. La molécule de base, elle a une propriété. Et après, donc le wagon a une propriété. Les voyageurs. Après, tu choisis les wagons que tu mélanges entre eux. Après, ça, c'est la polymérisation. C'est la polymérisation. Et puis ensuite, tu choisis. Et après, tu choisis comment ? Donc là, par exemple, on pourrait faire autre chose que de tremper un truc brûlant dedans. On pourrait le faire autrement ou avec d'autres. D'autres additifs, et qui fait que coup, le truc obtenu sera quand même pourra avoir des propriétés, des aspects différents. C'est ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec le styrène, qui est fabriqué à part, enfin le polystyrène, fabriqué à partir du pétrole, en fonction de comment je fais l'assemblage. Est-ce que je fais ce qu'on appelle une expansion ou pas? Je peux avoir du polystyrène solide pour faire des gobelets, ou je peux avoir du polystyrène avec de l'air à l'intérieur pour faire ces petites chips ou ces matériaux qu'on va mettre. Comme isolant, okay. Par exemple. Donc là, c'est juste la dernière étape qui a été. C'est la dernière étape qui est modifiée. Génial. D'ailleurs, juste à propos du styrène, du polystyrène, je ne sais pas si tu as regardé, mais j'en profite pour faire la pub pour tous les gens qui nous écoutent pour le documentaire de René sur la fabrication du polystyrène, où le commentaire est écrit par Raymond Queneau, était en alexandrin. Ah oui. C'est un court métrage sur la fabrication du polystyrène avec des commentaires en alexandrin. C'est assez fabuleux quand même. Faut ouais, c'était même toi qui me l'avais montré. Parce qu'on avait oui, c'est moi qui te l'ai montré. Ouais. Et effectivement, c'est fort bien. Maintenant que je sais vraiment comment on le fabrique, je pense que je vais le regarder une deuxième fois pour voir si je comprends un peu mieux ce qu'il raconte. Je trouvais juste que les images étaient super belles et le commentaire super drôle, mais là en plus, peut-être que je vais comprendre. Le chant du styrène. Bon, le chant du styrène, ouais, c'est ça. Ouais. C'est en accès libre sur Internet, allez-y. C'est du bon. Bon, mais génial. J'ai l'impression d'avoir tout compris pour l'instant. C'est formidable. Et bah, du coup, je propose là maintenant de voir, parce que j'ai dit que aujourd'hui, dans la matière plastique, sur 100 objets, 90 sont fabriqués à partir des matières fossiles, des matières premières fossiles, 10 sont fabriqués à partir des matières premières végétales. Une question qui reste à se poser, c'est est-ce que demain, on pourrait remplacer toutes les matières, enfin, tous les plastiques issus des matières fossiles par des plastiques issus des matières végétales? La réponse est non. Pour deux raisons. La première des raisons, c'est un problème de propriété. Les polymères que l'on obtient à partir des matières premières fossiles ne sont pas les mêmes que les polymères que l'on obtient à partir des matières premières végétales. Les molécules ne sont pas les mêmes. Les wagons ne sont pas les mêmes. Les molécules ne sont pas les mêmes. Et vu que les wagons ne sont pas les mêmes, bah les trains ne sont pas les mêmes et l'assemblage des trains ne sont pas les mêmes. Donc les propriétés vont forcément être différentes. Alors parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Par exemple, dans le cas du ricin, celui qui est fabriqué à partir du ricin, eh ben on a un plastique qui est super résistant à la température, aux contraintes mécaniques et aux contraintes chimiques. Donc il peut avoir des applications intéressantes. Mais c'est pas toujours le cas. Et pour vous donner un exemple, on peut imaginer un sac poubelle. Aujourd'hui, les sacs poubelles sont fabriqués en polyéthylène, à partir du pétrole. Si je veux remplacer le sac poubelle issu du pétrole par un sac poubelle issu d'un végétal, il faut que le sac poubelle issu du végétal soit au moins autant résistant que le sac poubelle issu du pétrole. Si je fabrique un sac poubelle à partir de végétaux et que lorsque je sors le sac poubelle de la corbeille, le sac poubelle se craque, bah personne n'ira l'acheter. Donc aujourd'hui, étant donné que quasiment tous les plastiques qu'on utilise sont fabriqués à partir du pétrole et que les consommateurs et les industriels ont des habitudes, si je veux remplacer l'un par l'autre, il faudra que je trouve les mêmes propriétés, ça c'est pas forcément gagné. Mais imaginons, on est dans le meilleur des mondes, on réussit demain à avoir avec les végétaux des plastiques qui ont les mêmes propriétés que tous les plastiques du pétrole. On peut se dire, c'est bon, on peut remplacer les uns par les autres. Bah pas encore. Pas encore parce que maintenant il faut les fabriquer. Et il faut réussir à fabriquer avec les végétaux la même quantité de plastique qu'avec le pétrole. Et là c'est pas gagné. Là c'est pas gagné parce que, pour donner un exemple, rien qu'en Europe, on consomme environ 60 millions de tonnes de plastique par an. Dans le monde, c'est environ 300 millions de tonnes. Mais je vais juste parler de l'Europe. L'Europe, 60 millions de tonnes de plastique est consommée par an. Pour fabriquer une tonne de plastique à partir d'un végétal, quel qu'il soit, il faut environ un hectare de terre. 60 millions de tonnes, ça fait 60 millions d'hectares. 60 millions d'hectares, ça fait à peu près la superficie de la France, hein, grosso modo, pour donner un ordre de grandeur. Si demain je veux fabriquer tout le plastique pour l'Europe, je prends la France, je rase tout ce qu'il y a dessus, je mets que de la culture de ricin, de maïs, de blé, de pommes de terre, et comme ça je fabrique tout le plastique pour l'Europe. C'est pas envisageable. Donc du coup, si on veut pouvoir avoir une matière première végétale compétitive par rapport à la matière première fossile, il va falloir trouver des solutions. Et il y a trois grandes solutions actuellement en cours d'étude. La première des solutions, c'est de recycler le plastique. Tous les ans, on en consomme 60 millions de tonnes, mais en fait, on n'en produit pas 60 millions de tonnes, parce qu'on en recycle une partie. Aujourd'hui, sur 60 millions de tonnes, je donne des ordres de grandeur, hein, parce que les chiffres changent vite, mais sur environ 60 millions de tonnes, on en recycle environ 20 millions de tonnes. Ça veut dire que tous les ans, il y a besoin de fabriquer 40 millions de tonnes. C'est mieux que 60 millions. C'est quand même toujours trop pour que les végétaux puissent tout couvrir. Donc l'idée, c'est d'améliorer la façon dont on recycle les plastiques, et si on les recycle mieux, dans ce cas-là, on pourra plus facilement avoir de la matière première végétale compétitive. La deuxième solution, c'est d'avoir des végétaux modifiés. Par exemple, on fait des pommes de terre transgéniques, donc génétiquement modifiées, qui vont produire plus d'amidon. Sur un hectare de terre cultivable, au lieu de fabriquer une tonne, on va en fabriquer plus. Dans ce cas-là, il y a besoin de moins de place Et s'il y a besoin de moins de place, dans ce cas-là, je peux avoir une matière première végétale plus compétitive. Et puis enfin, troisième grande solution, c'est d'avoir d'autres végétaux. J'ai parlé du blé, du maïs, de la pomme de terre et du ricin, il y en a d'autres. J'aurais pu parler du colza aussi, j'aurais pu parler de certains arbres. Bon, ben, le problème des arbres, c'est que là encore, si on déforeste la forêt amazonienne, c'est embêtant. Certains végétaux vont se renouveler beaucoup plus facilement que d'autres. Mais il y a des végétaux marins qui sont intéressants, par exemple les algues brunes, qu'on trouve parfois, notamment au bord en Bretagne, hein, qui polluent les plages et c'est embêtant. Ben, ça, on peut les utiliser. Et si avec ça on fabrique du plastique, bah du coup il n'y a pas besoin de terres cultivables. Hein. Bah déjà on ramasse celles qui sont sur les plages et puis après. Limite, on règle un problème, enfin on règle deux problèmes en un quoi. On peut régler deux problèmes en un. C'est, pas si c'est les algues vertes qui polluent plus, non? Les algues brunes aussi? Ouais, alors c'est les algues brunes pour le plastique, en tout cas. Je connais pas bien la différence entre les deux, donc je peux pas, t'en dire plus. Tout ce que je sais, c'est que c'est quelque chose qui fait débat quand même, l'utilisation. Parce que il faudrait pas non plus que le fait de pouvoir utiliser ces algues fasse que on prenne des morceaux de mer pour aller cultiver ça dedans. Donc bon, il va falloir trouver des choses raisonnables, mais voilà, les végétaux marins pourraient être aussi une alternative et pourraient permettre d'augmenter la part des matières premières végétales à l'intérieur de la matière plastique. Donc pour résumer tout ce qu'on vient de dire, la matière plastique, c'est des polymères. Et pour fabriquer les polymères, on a besoin de matières premières, végétales ou fossiles. Et pour l'instant, c'est la matière fossile qui est beaucoup utilisée, mais il y a des solutions avec les matières végétales qui peuvent également exister. Jusque-là, est-ce que tout est bon toujours ? Tout est toujours clair. C'est toujours clair. J'ai une petite perturbation locale, mais j'arrive à suivre. Ouais, bon. Du coup, c'est parfait. Alors, dans ce cas-là, je propose du coup de passer à la dernière partie. La dernière partie qui sera probablement un peu plus rapide. Ouais, ça fait déjà une heure, donc j'allais assez vite sur la dernière partie. L'idée, c'est parler un peu pollution et application, parce qu'on vient de voir la matière plastique. Le plastique, c'est fantastique. C'est fantastique. Tu l'as placé. Et ouais. Et c'est fantastique parce que ça a beaucoup de propriétés et ça permet de remplacer pas mal de choses. Par contre, ouais, ça pollue. Ça pollue parce que ça se dégrade pas facilement dans la nature. Ce qu'il faut retenir, c'est que il y a les plastiques biosourcés et les plastiques non biosourcés. Les plastiques biosourcés, c'est ceux qui sont fabriqués à partir des végétaux. Les plastiques qui ne sont pas biosourcés, c'est ceux qui sont fabriqués à partir des ressources fossiles. Il faut savoir que globalement, je donne une généralité, hein, c'est plus facile comme ça, mais globalement, les matières plastiques fabriquées à partir du pétrole ne sont pas biodégradables. Ça veut dire qu'elles ne se dégradent pas facilement dans la nature. Si je mets un plastique fabriqué à partir du pétrole dans la nature, il va y rester pendant très longtemps et il va polluer. Les plastiques fabriqués à partir des végétaux, donc ceux qui sont biosourcés, peuvent être soit biodégradables, soit non biodégradables, en fonction de comment le chimiste décide un petit peu de le fabriquer. Alors là, on pourrait se dire, bah ouais, le plastique ça pollue, alors du coup, si on fabrique des plastiques à partir de végétaux, bah autant les faire biodégradables. Bah sauf que non, en fait. Non, parce que en fonction des applications, bah parfois, faudrait qu'ils ne soient pas. Par exemple, on fait des lunettes en plastique. Si les lunettes elles se biodégradent au bout de quelques mois, bah ça va pas nous arranger. Je vais parler de quelques applications en médecine. Bah si on a par exemple une prothèse cardiaque qui se biodégrade et qu'on est obligé d'ouvrir le patient, ça va pas être agréable non plus. Donc on ne va pas forcément fabriquer du plastique biodégradable. Ça va être en fonction des utilisations qu'on va en faire. Et là, ça va être le moment, il faut sauver la planète de ce podcast, c'est que on sait que le plastique se biodégrade pas forcément, donc on sait qu'il peut polluer, et il y a beaucoup de plastiques qu'on retrouve dans la nature qui sont juste abandonnés par tout un chacun. Donc en fait, c'est aussi... le plastique a changé quand même notre quotidien. Depuis une centaine d'années, on est dans l'âge du plastique. Ça a changé le quotidien, mais bah, du coup... c'est pas non plus demain qu'on va l'arrêter parce qu'il a plein de propriétés différentes. Alors, il faut réfléchir à moins l'utiliser, parce que peut-être que parfois on a une utilisation abusive du plastique, donc il faudrait voir comment on peut l'utiliser différemment aussi. Après, quand on a un plastique qui va être jetable, on pourrait se dire, c'est idiot d'utiliser un plastique jetable, autant utiliser quelque chose qu'on va nettoyer après. Ben oui, mais quand on a quelque chose qu'on nettoie après, faut aussi le nettoyer. Donc, nettoyer, ça peut utiliser beaucoup d'eau, ça va polluer de l'eau également, donc bon, y a plein de questions qui se posent là-dedans. Donc, les débats sont toujours animés par rapport à la pollution des plastiques. Et donc voilà, en tout cas, c'est pas parce qu'un plastique est fabriqué à partir d'une matière végétale qu'il est biodégradable. Et d'ailleurs, on ne veut pas toujours faire des plastiques biodégradables. Et puis imagine qu'on ne peut pas toujours non plus, parce que si on veut certaines propriétés... Tu donnais des exemples où c'était évident, mais j'imagine même que des fois, des propriétés où on s'en foutrait que ça soit biodégradable, mais on peut pas avoir la qualité qu'on veut et en même temps qu'il soit biodégradable, quoi. Après, je les connais pas tous, donc ça arrive, quoi. Et du coup, par rapport à ça, les industriels essaient de plus en plus de faire ce qu'on appelle de l'éco-conception et essaient d'améliorer leur filière pour récupérer les plastiques et les retraiter ensuite. Il faut savoir qu'un plastique, quand il arrive en fin de vie, globalement, il y a trois solutions. Soit il est recyclé, et avec ce plastique-là, on en refabrique d'autres. Soit il est incinéré, brûlé. En étant brûlé, il va libérer de la chaleur, ce qui va permettre de faire bouillir de l'eau et ce qui va permettre de faire tourner des turbines, qui va permettre de créer de l'électricité. Soit sinon, il est broyé et coulé dans du bitume. Et puis sinon, il va être stocké chez des gens. Et puis sinon, il se retrouve dans la nature. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit tous les premiers, donc soit recyclé, soit incinéré, soit stocké chez les gens, mais pas jeté dans la nature. Et incinéré, ça pollue pas trop, pour le coup ça envoie pas trop de saleté Du coup, si, ça envoie du dioxyde de carbone, quand même. Et puis, il y a un résidu, probablement Il peut y avoir des résidus carbonés. Alors, il faut savoir que, bon, là, je connais pas tout, mais... quand le plastique, si c'était que du plastique qui provient de la matière première végétale, ça poserait pas trop de problème dans la mesure où la matière première végétale, pour faire du plastique, elle a besoin de carbone. Nous, on va prendre des molécules carbonées dans les matières végétales pour faire le plastique. Le plastique est constitué de carbone, ce carbone, on va le chercher dans la matière végétale. La matière végétale, ce carbone, elle va le chercher dans l'atmosphère, sous la forme de dioxyde de carbone, le CO2. C'est une opération blanche en termes de dioxyde de carbone. En gros, si on caricature... À part l'énergie utilisée pour le fabriquer, quoi. Si on caricature, effectivement, si j'avais que du plastique fabriqué à partir de matières premières végétales, ce serait presque une opération blanche, dans la mesure où le CO2 de l'atmosphère est récupéré dans les végétaux, on s'en sert pour faire du plastique, bon, on a besoin d'énergie, mais on va libérer quand on utilise cette énergie un peu de dioxyde de carbone, mais ensuite on récupère le plastique on le brûle, on libère du dioxyde de carbone, on a à peu près la même quantité. Avec le pétrole, ça marche pas du tout. Le pétrole, bien sûr. Là, on libère du dioxyde de carbone qui n'était déjà pas dans l'atmosphère. Là, c'est pas du tout une opération blanche. Bon, puis après, effectivement, là où t'as raison, c'est que même si on faisait ça qu'avec des végétaux, il y a un moment où on aurait besoin de cette énergie. Il y a besoin d'énergie pour le faire, et du coup, on libérerait à un moment ou un autre du dioxyde de carbone, probablement dans l'atmosphère. Bon, mais néanmoins, même si on considère ça, et ça va être la dernière partie du coup, c'est que les plastiques, on a parfois cette idée de pollution, mais ça apporte beaucoup, beaucoup de choses aussi. Et pour les problèmes de pollution, si on pouvait complètement les récupérer, on polluerait quand même beaucoup moins. Il y a un autre problème aussi, hein, c'est que parfois on a des décharges ouvertes, et il y a des plastiques qui s'envolent des décharges ouvertes. Donc il faudrait aussi créer des décharges qui soient fermées pour que les sacs plastiques ne s'envolent pas avec le moindre coup de vent. Et donc, dernier point, c'est les applications de la matière plastique aujourd'hui, et de voir que si le plastique peut polluer, il peut aussi éviter la pollution. Par exemple, grâce à la matière plastique, on fait des économies dans les sources d'énergie. Tu parlais au début, tu avais complètement raison, des voitures. Les voitures, on va diminuer la quantité de métal à l'intérieur pour mettre du plastique. Et il faut savoir que le plastique va être beaucoup plus léger que le métal. Donc si la voiture est plus légère, il y a besoin de moins de carburant pour la faire avancer sur la même distance. Donc on va avoir une économie de ressources énergétiques. enfin, de ressources matières premières, pétrole, carburant, on va moins en consommer. Je disais que une réduction de 10% de la masse d'une voiture, on réduit de 10% sa masse, on diminue de 5 à 6% la consommation d'essence. Si on prend un avion, si on prend le transport aérien, quand on remplace l'aluminium par du plastique, une diminution de 20% de la masse est obtenue, et ça fait une économie de kérosène de l'ordre de 20%. Du coup, on consomme moins de pétrole pour faire avancer les avions, les voitures. Donc le plastique génère, dans ce cas-là, une économie et un impact environnemental intéressant. Dans le quotidien, on peut en parler aussi, parce que dans le quotidien, là aussi, le plastique va avoir des effets intéressants. Si on n'avait pas de plastique, on aurait plus certaines fibres techniques. Je pense par exemple au Kevlar qui permet de faire les gilets pare-balles et certains matériaux de protection. On va avoir les sportifs qui utilisent beaucoup de matières plastiques, soit d'un point de vue textile, hein, les textiles techniques, soit sinon des matériaux. Hein. On va avoir des raquettes, par exemple la raquette de tennis. Quand on remplace le bois par de la matière plastique, on a une raquette qui est plus légère. On va avoir des skis qui vont être sympas aussi de cette manière-là. En médecine, il y a énormément de plastique qui est utilisé. Je voyais il n'y a pas longtemps les imprimantes 3D qui permettent aujourd'hui de faire des prothèses de bras, par exemple, ce genre de choses. C'est du plastique qui est utilisé. Hein. Ce qu'on met dans l'imprimante 3D, c'est du plastique. Et avec ça, on pourra faire des prothèses. Donc si demain, il n'y a plus de plastique, il n'y a plus ces choses-là. Donc le plastique a un réel intérêt, c'est pour ça qu'on l'utilise. Et puis enfin, on peut parler également de l'eau. L'eau, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand la population mondiale augmente, il y a besoin aussi d'augmenter les ressources en eau. Il faut savoir que les besoins en eau augmentent deux fois plus vite que la population. Et pour obtenir de l'eau, il y a beaucoup d'eau salée sur Terre. Une des possibilités, ça pourrait être de faire de la désalinisation. On peut utiliser des plastiques pour faire ça. Et puis, je pensais également à autre chose, puisqu'il y a eu la COP21 il n'y a pas longtemps, et il y a ce problème de variation climatique. Si la variation climatique correspond aux estimations, il va y avoir un réchauffement, une augmentation de la température. S'il y a une augmentation de la température, il va y avoir de plus en plus de terrains semi-arides, voire des terrains arides. Enfin, le problème, c'est qu'on va être de plus en plus nombreux sur Terre, et il va y avoir de moins en moins d'espaces cultivables, en gros, si je caricature. Une des possibilités, ça va être d'utiliser certains plastiques qu'on appelle des plastiques super-absorbants. C'est des plastiques qui sont capables de récupérer l'eau et de la maintenir au niveau du sol pour pas qu'elle ne s'évapore. Ce genre de plastiques super-absorbants, ils sont déjà utilisés. Là, je vais faire une parenthèse, non pas dans l'agriculture. Au départ, ils avaient été imaginés pour l'agriculture, dans les années 60, mais ça n'a pas marché pour l'agriculture au départ. Les premiers superabsorbants qui ont été faits, c'était pour l'agriculture, pour pouvoir cultiver des plantes sur des terrains semi-arides, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'ils fonctionnaient trop bien. Ils captaient l'eau de la pluie, ça maintenait l'eau de la pluie au niveau du sol, mais la plante était incapable de récupérer l'eau dans le superabsorbant. Ça tenait trop bien l'eau. Donc au lieu d'être utilisé pour les sols, ça a été utilisé dans les couches culottes. On a fabriqué comme ça des couches culottes, capables d'absorber l'urine qui n'a rien d'autre que de l'eau. Aujourd'hui, c'est toujours utilisé dans les couches culottes, on appelle ça le polyacrylate de sodium, et c'est également utilisé quand vous allez au supermarché pour acheter des barquettes de viande ou des barquettes de fruits. Il y a toujours une espèce de feuille sous la viande ou sous les fruits. Cette feuille, c'est du polyacrylate de sodium, un super absorbant, capable d'absorber le sang, c'est-à-dire l'eau, ou le jus des fruits, c'est-à-dire de l'eau, pour éviter d'abîmer la barquette, par exemple. Et dans les années 2000-2010, ces superabsorbants ont été bien modifiés, et on est maintenant capable de faire des plastiques qui peuvent absorber l'eau, la maintenir au niveau du sol, et la redonner aux plantes. C'est actuellement en cours d'étude en Chine, pour cultiver du chou chinois sur des terrains semi-arides. Il y a encore des problèmes techniques à régler, hein. Une fois que c'est dans le sol, comment on fait pour le récupérer, en combien de temps ça va se dégrader, est-ce qu'il va y avoir une toxicité ou pas, il y a encore des choses à régler, mais ça pourrait peut-être être une solution à la culture sur les terrains semi-arides. Comme ça, on pourra augmenter la culture de végétaux comestibles sur ce genre de terrain, ce qui pourrait être peut-être une solution d'avenir aux variations climatiques. Voilà en gros pour le plastique, qui prête toujours à polémique hein, d'ailleurs. Hein, quand on regarde, quand on regarde la pollution, et puis il y a en alimentaire, hein, je le répète, mais il y a encore des choses. Hein, parfois, quand le plastique est utilisé dans de mauvaises conditions, ça peut relarguer des petites molécules qui peuvent être toxiques. Donc, il y a quand même des études qui sont faites au niveau des plastiques alimentaires pour voir ce que ça. Tu t'appelles les plastiques alimentaires, c'est les plastiques qui conditionnent les aliments. D'accord. Ouais, ce que tu viens de dire là sur les trucs, les. Ouais. Pour, oui. Bah, avec la viande, etc. Oui. Voilà, avec la viande. Ouais. Tout cela, toutes les barquettes aujourd'hui sont en plastique, mais du coup, qu'est-ce qu'il en est ? Le plastique en tant que tel, a priori, n'est pas toxique. Par contre, il est fabriqué à partir de petites molécules qui, eux, peuvent l'être. Ou alors, quand on l'utilise dans de mauvaises conditions, il peut se dégrader et libérer des molécules qui peuvent être dangereuses. Donc, il y a encore pas mal d'études à faire sur le sujet, et il y a beaucoup de polémiques sur le plastique à cause de ça. Ouais, non, mais je pense qu'effectivement, on a une image du plastique, qui est sac plastique, les trucs qu'on jette, les trucs qu'on utilise une fois qu'on jette, machin, enfin, que certains. Et justement, le geste écolo, c'est d'avoir le sac en toile ou autre. Mais on n'a pas, effectivement, le plastique, c'est extrêmement large avec les définitions que tu as données. Et c'est absurde d'avoir une vision unilatérale du truc, enfin, monolithique du truc. Il faut juste avoir une vision réaliste, c'est que dans la réalité, oui, il y a une pollution du plastique. Parce qu'il y a beaucoup de plastique qui traîne dans la nature, et ça c'est à la fois à tout à chacun de ne pas le jeter dans la nature, et à la fois à ceux qui récoltent le plastique de le stocker bien, parce que les décharges ouvertes, quand il y a des coups de vent, le plastique s'envole, donc il faudrait éviter les décharges ouvertes, par exemple. Oui, il peut y avoir des problèmes de toxicité du plastique, donc il y a encore des choses à voir sur la toxicité du plastique, donc il faut être réaliste sur ce sujet-là. Ça pollue, il peut y avoir une toxicité, et puis faut être aussi réaliste sur le fait que le plastique améliore énormément le quotidien. Oui, mais ça c'est clair, oui. Et y compris peut donner des solutions à des problèmes écologiques. Quoi. C'est ça. On peut que ça soit bien fait. C'est pour ça que le plastique, je pense, ne va pas disparaître comme ça. Et aujourd'hui, il y a cette conscience de c'est un matériau qui est génial, qui est vraiment génial, qui permet d'avoir plein de propriétés différentes, qui permet de remplacer plein de choses différentes, qui permet d'aller plus loin que ce qu'on pouvait faire avec d'autres matériaux. C'est une des premières industries mondiales, le plastique, quand même, ça reste quelque chose de très important. Par contre, il y a des problèmes à régler, et puis il y a des choses à faire aussi pour que ce soit mieux utilisé et que ça fonctionne mieux. Voilà un petit peu pour cette histoire du plastique. Ok, écoute, c'était très très très improbable. Mais figure-toi qu'il y a des gens qui sont venus dans la chatroom. Ah, d'accord. Notamment Brusicor, qui est quand même, alors disons-le, un fan numéro 1 de Podcast Science et un fan numéro 1 du Palais de la Découverte et un fan de chimie. Et donc, visiblement, il t'a déjà vu en présentation au Palais de la Découverte. Et donc, il a annoncé que t'allais parler de couche-culotte. Il a vu venir avant que t'en parles. Pas mal. content qu'il y ait des gens, c'est chouette. Donc voilà, c'est cool quand même, ça met un peu de vie. Donc lui, de toute façon, c'est notamment lui, surtout lui, qui réclamait une émission de chimie depuis déjà un bon moment. Donc je sais pas comment il a su que ce soir on enregistrait, mais il est là. Et donc il a quelques questions. Alors il a des questions sérieuses et d'autres où c'est juste pour mettre plein de questions pour faire style la chatroom est en délire pour que tu reviennes, j'imagine. La première question c'était est-ce qu'il y a des plastiques à base animale? À ma connaissance, non. Alors enfin, non. Il va y avoir des plastiques qu'on fait à partir d'acide lactique, par exemple. Donc on pense au lait. Néanmoins, dans ce que j'ai lu, c'est que on pourrait utiliser du lait pour le faire. Donc là, on aurait quelque chose d'animal à la base, sauf que on préfère utiliser le récupérer dans certains végétaux, par exemple, cet acide lactique, plutôt que d'utiliser le lait alimentaire pour en faire. D'autant que c'est déjà relativement polluant normalement de produire des animaux, donc. C'est ça. Donc, à ma connaissance. Mais bon, cela dit, la question était juste. Je pense que la question, c'est juste de savoir si c'était possible, quoi. La question est hyper pertinente. C'est une question que je me suis posée aussi. J'ai rien vu. Donc, c'est pertinent. Mais complètement. Alors, après, on peut imaginer. Mais bon, là, dans ce cas-là, ça va être des productions qui pourraient être plutôt naturelles. Mais on va avoir des polymères issus directement de matières animales. Hein. Par exemple, La soie est un polymère. Enfin, la soie de la larve du bombyx, c'est un polymère qu'on a récupéré cette fois-ci de façon animale. Quoi. Et pourquoi ça rentrerait pas dans ta définition du plastique, du coup, parce que... Pour moi, le plastique tel que... Il n'y a pas d'assemblement des polymères. En fait, pour moi, le plastique tel que je définis, c'est un polymère de synthèse fabriqué par l'homme. Ah oui, là, il est semi-synthétique puisque tu commences par récupérer le... Il est complètement naturel, en fait. Donc, du coup, moi, dans ma définition, il ne rentre pas. Après, il faudrait regarder ses propriétés pour voir un petit peu les propriétés. Mais moi, je ne le mets pas dans le plastique, dans le sens où je considère que le plastique, c'est des polymères synthétiques. Alors, il y a une autre question qui est comment fonctionnent les plastiques conducteurs dans les écrans souples ? J'en ai strictement aucune idée. Merci, au moins ça va vite, c'est cool. Oui, c'est ce que je disais au départ. Il y a plein qui existent et je suis loin de tous les connaître. Ouais. C'est cool parce que moi ça me fait découvrir qu'il y a des plastiques conducteurs dans les écrans souples. Je m'étais jamais douté. D'ailleurs, là-dessus, je suis même un escroc hein, parce que je parle du plastique et il y a plein de plastiques que je connais pas. Ouais, mais enfin bon, t'es un escroc qui arrive à raconter des trucs intéressants pendant plus d'une heure, donc globalement, je pense que t'es crédible. Et ça suffit assez largement. Et puis, l'autre question, qui je pense c'était plus une blague, mais bon, cela dit, c'est intéressant, qui dit est-ce que d'ailleurs on peut faire du plastique alimentaire qui se mange ? Du coup, plus de déchets puisqu'on le mange. C'est une bonne question. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du pétrole, je dirais non. Je dirais non parce que c'est pas biodégradable. Par contre, je pense que globalement, du plastique qui serait issu. Alors, j'ai pas vérifié, je suis pas biologiste, mais je pense que si on prend du plastique qui n'est pas biodégradable et qu'on le mange. Je pense que globalement, il va passer dans le système digestif et ressortir de l'autre côté sans trop de problèmes. Ensuite, il pourrait y avoir du plastique. Assimilé. Sans être assimilé, il ne sera pas modifié. Sans être quoi. Assimilé, voilà, c'est ça. Du coup, on reporte le problème à une étape plus loin, quoi. Si je puis me permettre. Et donc ensuite, si on veut que ce soit assimilé par l'organisme, il faut qu'il soit biodégradable. Et si on imagine qu'on arrive à faire quelque chose de biodégradable par l'organisme, il faudrait que ça se biodégrade pas pendant le stockage aussi. Il faudrait je sais pas, il faudrait trouver quelque chose qui puisse s'abîmer que dans avec la salive, les trucs acides quand même. On a des trucs un peu violents dans le système digestif. Quand même. Et puis ensuite le problème qui va se poser c'est que du coup ça veut dire qu'on mange l'aliment avec le plastique qui est autour. Et dans ce cas-là, si c'est un aliment qu'on fait cuire, comment ça se passe. Et puis, si du coup le plastique est bien hermétique, dans ce cas-là, au moment où on le mange, est-ce qu'on a vraiment la dégustation telle qu'on la veut ? Est-ce que d'un point de vue gustatif, olfactif, est-ce qu'on a les mêmes sensations que si on avait l'aliment seul ? Est-ce qu'on a bien la libération des arômes ? Est-ce qu'on a la bonne texture en bouche ? Ça, c'est du coup d'autres questions. Peut-être on serait capable de le faire. Mais après, est-ce que ça perturberait pas la dégustation de l'aliment, peut-être ? Ce sera à vérifier. Mais c'est une question qui se pose. Ok, bon, il y avait encore une question, là, ce coup-ci de Pascal, qui demande si le parabène est un plastique. Je pense que... Alors, je sais pas si c'est le plastique. Parce qu'il lui semble que c'est assimilé. En fait, Brusicor dit que c'est pas un polymère, donc là. Voilà, en fait, je me dis que. Je pense comme ça que c'est le wagon et non pas le train. C'est ce qu'a l'air de dire Brusicor, effectivement. C'est une molécule, c'est pas un polymère. La molécule de base, ensuite, il faudrait faire un polyparabène, par exemple. Et moi, j'ai une question pour terminer. Je sais pas s'il y a plus d'autres questions dans la chatroom, vu qu'ils sont que deux, ils vont peut-être juste arrêter de poser des questions pour aller se coucher. Mais moi, j'ai une question, c'est les machins plastiques, les sachets. Je j'arrive pas à faire confiance aux sachets plastiques dont on dit qu'ils se décomposent dans l'eau. Tu sais, les trucs de lave-vaisselle, là. Oui. Tu connais ça ? Non, je sais pas en quoi ils sont faits. D'accord. Donc tu sais pas du tout comment ça marche. J'arrive pas à croire au fait que ça disparaisse vraiment et que ça balance pas des saloperies après dans les tuyaux. Mais t'as pas de réponse à cette question-là. Du coup, avec l'eau, ce qui va se passer, c'est qu'à mon avis, tu vas à un moment ou à un autre couper des liaisons entre les wagons. Enfin, on a des trains, on va venir séparer les trains et puis ensuite couper les trains en wagons. Après, est-ce que les wagons deviennent solubles ? dans l'eau ou est-ce qu'il reste solide? Ça, j'en ai aucune idée. Et puis, est-ce que c'est 100% efficace? J'en ai aucune idée non plus. Ok, bon, bah, c'est pas grave, j'essaierai de me renseigner. Ouais, ok, vraiment, d'accord. Non, mais c'est vrai que c'est de toute façon un sujet super vaste. Non, mais c'était juste sur l'aspect, effectivement, comment dire. Enfin, c'est pas forcément bio ou quoi, écolo ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a un côté, on te vend des plastiques qui sont biodégradables. On en avait parlé vite fait quand tu m'avais dit de quoi t'allais parler, de la différence entre biodégradable et genre qui se décompose en petits morceaux et que, en fait, les petits morceaux eux-mêmes, ils se décomposent jamais et c'est une catastrophe, quoi. Donc, c'est le genre de choses que j'avais en tête. Ok. Et juste, ouais, mais ça, je sais pas si t'as une réponse aussi, mais du coup, biodégradable, ça veut dire quoi? J'avais jamais réfléchi à ça, mais il y a plein de trucs qui vont finir par se décomposer, mais au bout de 10 000 ans, quoi. Donc, biodégradable, la définition, elle doit être un peu floue, c'est genre qui... Oui, non, c'est pas flou, hein. Il y a une définition exacte. Si t'as la réponse, ça m'intéresse. Alors, bah là, la définition exacte, la norme exacte de biodégradabilité, je l'ai lue. Et je non, même si tu te rappelles pas par cœur, tu peux peut-être te rappeler dans les grandes lignes, non? Non, même oui, pas. Alors, en fait, j'étais en train d'essayer de retrouver l'article parce que je sais que j'ai l'article quelque part, mais en gros, l'idée, c'est qu'il faut que ce soit. Il y a un temps, c'est de l'ordre de quelques mois. Il faut que ça se dégrade dans l'environnement. Et se dégrader, ça veut dire que les molécules, donc le plastique, les wagons se séparent, enfin les trains se séparent les uns des autres, puis ils se séparent en wagons. Et les wagons sont réassimilés par un organisme végétal ou animal et retransformés en autre chose. En gros, il reste même plus une molécule qui a servi à fabriquer les plastiques, quoi. C'est ça. Et on dit qu'il est biodégradable ou compostable. D'accord. Et il y a une définition exacte qui existe. Il faudrait que je la retrouve. Enfin, en gros, c'est cette histoire d'idée-là. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de durée et il faut qu'il reste plus à aucune échelle rien du plastique d'origine, quoi. C'est ça. Alors, du coup, la norme, c'est EN13432.2000. Oui, yeah. Ça, c'est rock'n'roll. Voilà. Donc, du coup, j'ai relis vite fait. Quand on teste la biodégradabilité, on doit tester différents milieux, l'eau douce, l'eau salée, les sols. Les tests durent 6 mois maximum. Donc, il faut que ça se dégrade en 6 mois. Ensuite, il y a les tests physiques. Sur le milieu, est-ce qu'il y a des effets sur le milieu? Quand on dit que c'est biodégradable, c'est que la masse de départ du matériau doit être dégradée de 90% en 6 mois. Et 90% c'est pas... En 6 mois, hein. Après ouais. Les 10% qui restent vont être faits dans le temps. Ensuite, la biodégradation ne doit pas présenter d'effet écotoxique sur le milieu. Ça doit être assimilable par les milieux. Et puis ensuite, il y a le compostable. Et là, il y a une autre norme. La norme EN13432.2000, c'est la même norme en fait. Dans la même norme, il y a le compostable et le biodégradable. Là, pareil, ça doit être testé dans des composteurs naturels. La période, elle est faite sur 12 semaines maximum. Pareil, il doit y avoir 90% de la masse de départ qui doivent être dégradées. La taille des résidus doit être inférieure à 2 mm. Dans ce qui reste, pas d'avoir d'effet négatif sur le processus de compostage et pas d'avoir d'effet toxique du compost obtenu. Voilà, en gros, bon, c'est un peu. La première fois que j'avais lu ça, j'avais trouvé ça un peu compliqué à lire, et maintenant que je relis ça, je trouve ça encore compliqué à lire. Ouais, mais on a l'idée. Mais cela dit, par rapport à ce que tu disais, il peut rester des petits morceaux, et tout, etc. Mais très petits, et que ça ne présente pas de toxicité. Mais ça va être super difficile de faire des tests là-dessus, parce que s'assurer qu'il n'y a aucune toxicité, je veux dire, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, tout ça, c'est pas parce que t'as rien trouvé qu'il n'y a rien qui se passe, quoi. Donc c'est complexe à tester, quoi. Ils le disent, hein, de toute façon, que c'est difficile de comparer les résultats. Et puis après, on considère que si en 6 mois ou 12 semaines, il y a déjà une grande partie de dégâts. Ouais, c'est que, là, c'est que sur le double, ça sera fait, quoi. Ça sera fait, c'est ça l'idée. Ok. Donc, en fait, il y a vraiment des normes qui existent. Ouais. Oui, non, mais j'imaginais bien que c'est... Sauf que je suis pas très spécialiste. Non, mais c'est déjà super cool que t'aies cherché le truc et que t'aies prévu de l'avoir sous la main au cas où. J'imagine chez toi où ça doit être. On doit plus pouvoir poser le pied par terre parce qu'il doit y avoir des papiers partout. C'est un peu ça l'idée, mais ça va, ça donne. J'ai pas eu tant besoin que ça, globalement. J'ai deux, trois trucs en tête, ça va. Bon, bah, c'est cool. Bah, je sais pas si Brudicor ou Pascal ont encore d'autres questions, mais sinon, peut-être on va s'en tenir là. Hein. Bah, en tout cas, moi, je trouvais ça super intéressant. J'étais très content. J'avais un peu peur parce que normalement, la chimie, je suis pas censé être le plus enthousiaste, mais bon, comme c'est toi, tout ça. Je sais pas, je pense que j'avais l'esprit des autres qui était en moi pour les représenter. Bah écoute, en tout cas, merci d'avoir d'avoir fait le dialogue avec moi. Ouais, encore désolé pour les ratages qu'on fait que j'étais le seul interlocuteur. Hein. Mais c'est vraiment cool qu'on ait eu Brizicor dans la chatroom, franchement, ça c'était très bonne nouvelle. Merci à ceux qui étaient présents dans la chatroom, c'est sympa. Merci aussi à Pascal qui a fait l'enregistrement. Et donc le broadcast, finalement, tu l'as fait. encore merci du coup de m'avoir accueilli encore une fois. C'est et un puis plaisir. Et puis de toute façon, on t'entend très très bientôt sur Podcast Science puisque tu participes au spécial E. Spécial c'est œuf. Ça. Je sais jamais comment le dire parce que spécial E, ça fait bizarre. Et spécial œuf, ça donne l'impression qu'on va parler que d'un seul œuf. Alors ça me plaît pas non plus, mais donc samedi prochain là, ça sera sympa. Bon, bah c'est super. Et puis en fonction, peut-être que je pourrais refaire. Parce que je me suis dit que la partie pétrole pouvait être intéressante. Là, on pourrait rentrer peut-être un peu plus dans le détail. Parler. Je sais pas si t'imagines, mais il y a à peu près que Brizicord qui est actif dans la chatroom. Donc si tu commences à proposer de revenir, il va être complètement fou. Hein. Ouais, voilà. Peut-être qu'il pourrait y avoir. Peut-être je pourrais détailler un peu plus le pétrole dans une prochaine. Le pétrole, gaz, charbon. Une prochaine fois, au revoir. Mais ça pourrait être une idée. Il y a plein de, je pense que tu as encore plein de sujets que tu peux traiter qui peuvent être vraiment, vraiment intéressants. Hein. C'est cool. Eh bien, merci. Alors là, il y a quelqu'un qui oublie de mettre @PSP, donc ça ne va pas être... Mais bon, c'est pas grave, je pose sa question quand même. Une question sur la différence entre plastique et résine qui n'est pas souvent claire. Un avis là-dessus? Alors, elle n'est pas claire pour moi non plus, donc je ne peux pas répondre. Okay. Eh bien, merci pour cette réponse. Silicone ou latex sont-ils des plastiques? Alors, parce que bon, le latex, c'est important quand on fait une émission qui s'appelle Le plastique, c'est fantastique. Alors, pour moi, c'est là où il y avait cette grosse difficulté avec la définition. Si on prend la grande définition générale, le latex, c'est donc un polymère. Donc si on prend la grande définition générale, ça pourrait rentrer dans le plastique. Par contre, dans la définition que moi j'en apporte, où je sépare le caoutchouc du plastique. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Le latex, c'est à base de caoutchouc qui est naturel, donc c'est du semi-naturel. Donc, et semi-synthétique, effectivement. Semi-naturel, semi-synthétique. Ouais. Et surtout, le latex va être élastomère. On va pouvoir l'étirer, que le plastique, on ne peut pas l'étirer. Donc, moi, je ne mettrai pas le latex. Le latex, le caoutchouc, je le mets dans les élastomères. Donc, je le mets à part. Attention, ce n'est pas toujours les mêmes définitions. Parfois, mais moi, je le mets à part et j'appelle ça du caoutchouc. Et puis ensuite, le silicone, je ne sais pas dans quoi il le range. Peut-être dans les plastiques quand même. Ce qui est sûr, c'est que le silicone, tous les plastiques dont j'ai parlé hier et donc dans ce qui est passé là ce soir, qui sont fabriqués à partir du pétrole et des végétaux, c'est des plastiques qui sont à base de carbone. Le silicone, lui, va être à base de silicium et d'oxygène. Mais bon, ça ne l'exclut pas nécessairement de la définition. Ça ne l'exclut pas nécessairement de la définition. Non, je pense que ça peut rentrer dans la définition aussi. Il faudrait leur vérifier quand même. Ok, bon, il y avait une question, mais ça, je pense que tu y as répondu pendant le podcast. Elle a dû venir avant que tu y répondes, qui était pourquoi la vie, entre guillemets, expert en manipulation de chaînes carbonées ne fabrique pas de plastique. Le polyéthène, par exemple, a pas l'air super compliqué à fabriquer. Ça, tu as répondu. Il y a des trucs qui, effectivement, sont des polymères dans la nature. C'est juste que toi, tu décides de pas les mettre dans le... Enfin, certains, dont toi, décident de pas ranger dans le plastique parce que justement, c'est naturel et que, en fait, ta définition du plastique, c'est plus les trucs synthétiques. C'est ça, mais on peut citer... Si on prend la grande définition du plastique, c'est à peu près tout polymère qui est à peu près malléable. On peut faire rentrer le fil d'araignée, on peut faire rentrer la soie de la larve de Bombyx, on peut faire rentrer le lin. Cette fois-ci, on part dans le végétal maintenant, le lin. Ouais. On peut parler du caoutchouc qui va être issu de l'EVA. Il y a même la carapace de tortue, hein, c'est des polymères aussi. Donc des polymères dans la nature, il y en a plein qui sont fabriqués. Par contre, dans la définition du plastique telle que moi j'aime la donner, ça ne concerne que ce que l'homme fabrique. Ok. Alors, qu'est-ce qui joue le rôle de l'attelage entre les différentes molécules? Ça, on a dit, bah, c'est la même chose en fait que les liens entre atomes, c'est les mêmes liens. C'est ça, sauf et que là, du coup, c'est, voilà. c'est le chimiste, on appelle ça réticuler les polymères les uns avec les autres. Et du coup, c'est le chimiste qui va le faire, ça. Ouais. Et, ah si, il y a une dernière question, au dernier moment, une question hyper importante qui est: quel est votre plastique préféré? Est-ce que tu as un plastique? Avoue-nous tout. Est-ce que tu as un plastique préféré? Ça me fait plaisir parce que généralement c'est réservé aux matheuses, genre de questions, genre c'est quoi ton nombre préféré ou quoi, alors que j'en ai rien à faire. Est-ce que tu as un plastique préféré, Ludo? Moi, je sais pas, j'hésite. Mon cœur balance entre le polyéthylène et le polypropylène, puisque c'est les plus utilisés. Mais je dirais quand même le polyéthylène, parce qu'avec le polyéthylène, on fait des jouets, et ça, j'aime bien. D'accord. C'est ton âme de grand enfant qui répond. Complètement. Bon, bah parfait. Bah écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres réponses de questions, enfin, ou alors j'ai raté des trucs où les gens ont oublié de mettre... La mention ADPS, ouais. Et du coup, j'ai quand même une citation. Ah ben oui, tu as quand même une citation pour finir l'émission comme il faut, mais parfaitement. Non, mais t'inquiète pas, je voulais juste m'assurer avant qu'il n'y ait pas d'autres questions. J'ai l'impression qu'effectivement, on a fait le tour des questions, donc c'est parfait. Il y a eu plein de trucs voilà, sur le plastique qui se mange, sur les trucs, sur les... il y avait une question aussi qui était l'énergie pour fondre du verre ou du métal n'est pas pire en bilan COD que juste brûler du plastique. Ça c'est des grandes questions qui font débat et qui maintenant sont étudiées. En fait, quand on veut comparer l'impact écologique et environnemental de quelque chose, on va regarder l'ensemble. Et c'est vrai que la question se pose, hein, c'est parce que dans la pollution, on va se dire, bah oui, mais du coup, le plastique pollue. Mais finalement, c'est vrai que quand on commence à regarder tous les emballages qu'il faut nettoyer, la fabrication du carton ou ce genre de choses, ça va polluer également. Fabriquer des cartons, ça demande pas mal de molécules, enfin pas mal de matières polluantes pour la fabrication. Donc il n'y a pas de... En gros, tout ce qu'on fait aura toujours un impact quand même sur... Et là, il y a une distance entre une espèce de perception intuitive de ça c'est bien, ça c'est mal, le tissu c'est bien, le plastique c'est mal, ou les choses comme ça qui peut être difficile à combattre. Même si tu fais tous les calculs et que tu dis que c'est mieux d'utiliser du plastique plutôt que du verre, je pense que tu auras du mal à gagner la bataille de l'image, quoi. Bah, je sais pas si c'est mieux d'utiliser... Non, mais je sais pas. Mais les calculs, mais... Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que... Aujourd'hui, si on pouvait totalement récupérer le plastique et pas l'avoir jeté dans la nature, on aurait quand même avec le plastique des choses assez intéressantes. Parce que mine de rien, ce qui va polluer lorsqu'on va le fabriquer, on va aussi avoir un gain lorsqu'il va permettre des économies, comme dans les voitures, comme dans les avions dont j'ai parlé hier. Donc dans l'ordre, parce que moi je suis hyper pas bon. Normalement, la citation vient après, sois patient. Normalement, il y a le pitch de la semaine prochaine. Chut. Vous avez entendu là? Non? Attendez, on le remet. Eh bien ça, c'est le son du onde gravitationnelle. Et si, comme moi, vous trouvez que c'est génial de pouvoir entendre ça, mais que vous avez encore des questions sur le sujet, venez la semaine prochaine, parce qu'on recevra professeur Michele Maggiore de l'Université de Genève, un véritable spécialiste du domaine. À la semaine prochaine. Attendez, on le remet. Voilà. Mais donc, je fais un pitch intermédiaire pour dire que samedi prochain, complètement à l'arrache au niveau de l'organisation, et j'en suis vraiment complètement désolé, je suis le premier coupable, mais il va y avoir une émission, il faut quand même venir au Palais de la Découverte à 16h, donc il faut venir avant, il faut être là à 15h30, histoire de pouvoir regrouper tout le monde et de faire rentrer tout le monde, puisque ça sera dans une salle qui est fermée normalement au public. Et on va faire une spéciale sur les œufs, une émission spéciale qui s'appelle donc, puisque nous sommes dans un palais, ça se passera au Palais de la Découverte, ça s'appellera donc Caviar au Palais. Et donc on va parler d'œufs, il y aura donc Ludo qui va nous parler de la chimie, de la coquille d'œuf, il y aura aussi peinture. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Ah, tu ne sais pas encore? Ah ouais, tu ne sais toujours pas ce que tu fais, tu m'as vendu ça, mais tu ne sais toujours pas. Il y aura quelque chose sur la peinture à l'œuf, il y aura quelque chose sur comment les œufs sont utilisés dans la recherche en bio, il y aura des choses, il y aura Topo qui nous va faire un truc sur des trucs dégueulasses qui se passent dans les œufs, je préfère pas en parler. Il y aura Billy aussi qui nous parlera d'eux. Il y aura plein de gens, plein de choses, des gens du palais, des gens du podcast, et ça sera très très sympa. Et il y aura des dessinateurs qui seront là, dont Inti qui est là ce soir et qui donc bonjour Inti, ça va être super bien quand même. Voilà, donc un double pitch pour le soir, pour ce soir. Et donc sinon, maintenant qu'on a le pitch, bah, on passe à la citation que tu as donc préparée. Oui, bah, tu m'as mis tellement la pression aujourd'hui que je me suis dit... Donc une citation fallait... qui doit faire réfléchir, hein, je rappelle. Ah zut. Mais ça te fera réfléchir quand même, tu sais. Bah, écoute, sinon, j'en ai deux du même auteur, Isaac Asimov. Ouais. Puisque... j'aime bien la science-fiction et j'aime bien cet auteur-là. Il a dit deux choses. Il y en a une qui se trouve souvent dans le livre Fondation, c'est « La violence, c'est le dernier refuge de l'incompétence ». Voilà, ça n'a rien à voir avec le plastique, ça n'a rien à voir avec la science. Mais j'aime bien cette... ça peut avoir avec notre lieu de travail commun, par exemple, notre établissement. Ah, parce qu'en plus, il fallait qu'il y ait... Non, mais j'essaye de faire un lien avec quelque chose, parce que... Non, mais voilà, tu m'as dit une qui fait réfléchir, alors du coup, celle-là elle fait réfléchir. Mais l'autre, c'est toujours d'Isaac Asimov, et que je trouve intéressant aussi, et qui dit « On peut définir la science-fiction comme la branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. » D'accord. Ok. C'était... non, ça tout de suite, ça fait un peu plus... Ouais. Donc là, y a un lien avec la science, tout ça, tout va bien. Tout va bien, là, on... Voilà, bah, il faut la réécouter plusieurs fois, mais... Ok. Pas de rapport avec le plastique, mais bon, un rapport avec la science qui est déjà pas mal. Est-ce que les questions de plastique dans les livres de science-fiction, hein ? Je sais pas, je sais que... Hein, franchement. Ouais, mais si, sûrement. Sûrement. Il y avait bien le plastique, c'est fantastique, mais je l'ai déjà casé. Non, ça. Ouais, non, tu l'as. T'as réussi à la caser en douceur, t'aurais pas dû. Là, du coup, ça alourdit, là, ça. Ok, bon, bah écoute, je pense qu'on va. On va arrêter là. Je sais pas si Nico dans le coin a quelque chose à rajouter. Je ne sais pas si Pascal dans le coin a quelque chose à rajouter. Je te trouve parfait, tu peux nous faire une conclusion ? Je fais une conclusion en impro absolument totale. Donc, je conclue en disant que, comme d'habitude, si vous avez aimé cette émission, il faut absolument la partager avec un maximum de personnes, avec tous les moyens que vous avez à votre disposition, qui peuvent être limités, si vous êtes dans mon cas, où, par exemple, il n'existe que les mails et les conversations en direct. Mais si vous êtes branché sur un réseau social quelconque, vous pouvez aussi... vous en servir, c'est bien, c'est vraiment pratique, c'est une belle invention, un jour j'irai. Et donc surtout partagez, faites connaître l'émission, faites connaître cette émission et toutes les émissions de Podcast Science, parce que c'est bien. Venez au week-end sur les œufs et puis au samedi sur les œufs. Et puis les inscriptions, c'est pas encore lancé, mais ça va se faire très vite. Normalement, ce soir c'est lancé avec notre community manager de folie. Et puis à samedi pour les œufs, enfin à plus tard pour l'enregistrement des œufs, à mardi prochain pour les ondes gravitationnelles. Et d'ici là, que servir la science à votre joie.